Analyse F1, l'actualité comme vous ne l'avez jamais écoutée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Analyse F1, une nouvelle émission en format long. Je vais vous raconter le sommaire un peu qui va nous occuper et vous occuper les oreilles aujourd'hui. Dans une première partie, eh bien pas de surprise, je reviendrai sur l'actualité. Alors comme d'habitude, il ne s'agit pas d'une actualité exhaustive, il s'agit d'une sélection de ma part de différentes actualités que j'ai jugé important de vous parler. Et également d'analyser un peu ce qui se passe et de poser des questions à propos de ça. Ensuite, dans une deuxième partie, eh bien, ce sera le thème principal de l'émission. Donc vous pouvez constater le titre en lisant le titre de votre fichier que vous êtes en train d'écouter ou le titre tout simplement du podcast, si vous l'écoutez via le navigateur également. Ce sera consacré à la place des femmes en Formule 1. Donc évidemment, on ira au-delà de ça. Et je dis « on », oui, parce que je ne serai pas tout seul. Une fois n'est pas coutume, ça faisait très longtemps que je n'avais pas invité quelqu'un dans le podcast. Là, ce sera le cas et ce sera Nina Rochette qui m'accompagnera pour parler donc de ce sujet très très important. Je vous l'avais dit dans le précédent podcast que je voulais consacrer un temps pour ce thème et j'ai réussi à le faire pour ce podcast-ci, donc vraiment restez à l'écoute. Et enfin, on terminera par un high speed dating. Donc comme d'habitude, je vais de manière décroissante au niveau du palmarès des pilotes. Et là, donc la dernière fois c'était Max Verstappen, je crois, non, je ne sais plus, ou Sergio Pérez, non, la dernière fois ça devait être Sergio Pérez, pardon. Non, je dis n'importe quoi. La dernière fois c'était Kevin Magnussen, je vais tous les faire, mais non. La dernière fois c'était Kevin Magnussen, comme quoi les podcasts sont lointains, mais j'arrive quand même à croire que la dernière fois c'était Sergio Pérez ou Verstappen, alors que non, c'était bien Magnussen. Le temps passe pas si lentement que ça. Et du coup, aujourd'hui, ce sera Lance Stroll. Et oui, vu qu'il a eu un podium en 2017, c'est à son tour. Donc voilà, on commence tout de suite avec l'actualité. L'actualité de la semaine, mais non, l'actualité de ces dernières semaines plutôt. On commence avec Williams. Oui, je vous en avais parlé à la fin de la partie actualité du dernier podcast. Il restait un baquet en suspens. C'était le deuxième baquet Williams. On savait que Lance Stroll allait occuper l'un d'entre eux, mais suite à la retraite de Felipe Massa, qui cette fois-ci semble définitive, il fallait le remplacer. Donc, il y avait un doute. On parlait beaucoup du retour de Robert Kubica, et à juste titre, vu tout ce qui s'est passé avec son accident, etc., les espoirs suscités par ses essais effectués avec Renault, puis avec Williams à Abu Dhabi. On savait pas trop, il y avait une inconnue au niveau des temps, de ses performances, etc. Et bien, finalement, Williams a tranché et ne l'a pas choisi. Williams a en effet choisi le pilote russe Sergei Sirotkin, qui a donc terminé troisième, je crois, deux fois de suite en GP2 lors des deux dernières campagnes de GP2, et qui, lors des essais d'Abu Dhabi, semble-t-il, d'après les dires de Williams, a effectué de meilleures performances que Kubica, oui, avec... Parce que Kubica a eu une difficulté, c'est au niveau des pneumatiques Pirelli qu'il ne maîtrise pas et de la température des pneus Pirelli qui se gère quand même différemment des pneus Bridgestone. Et oui, Kubica, quand il avait quitté la F1, c'était après 2010, donc en 2010 c'était encore une fourniture Bridgestone. Et c'est qu'à partir de 2011 que Pirelli a été le manufacturier unique de pneumatiques en Formule 1. Donc ça a été une difficulté qu'il n'a pas surmontée lors des essais d'Abu Dhabi, malgré que il a fait le job quand même. Hein. Mais voilà, Sirotkin a été préféré. Puis en plus médiatiquement, parce que Kubica avait dit que oui, il y aurait toujours, il pilote pas comme avant, parce qu'il a quand même des séquelles à sa main, mais il arrive quand même à piloter une F1, ça ne lui pose pas de problème, seulement c'est différent, quoi. Il doit utiliser la force de ses mains et de ses poignets différemment pour pouvoir piloter et ne pas agrafer les choses au niveau de sa main. Enfin bref. Et du coup, médiatiquement, ça a été relayé comme oui, est-ce qu'il serait vraiment pas à 100%? Est-ce qu'il est prêt à piloter? Ben oui. Si Williams, si Renault l'a mis au volant d'une F1 et tout, il est prêt à piloter. Si voilà, s'il n'y a pas de souci, si lui il le dit aussi, pas de souci. Il n'y a pas besoin d'interpréter une phrase ou un bout d'une phrase pour faire dire autre chose. Et d'ailleurs, Kubica récemment a dit qu'il regrettait finalement de s'être exprimé de manière sincère, parce que oui, il avait répondu de manière sincère sur son état. Il a dit qu'il le regrettait parce que toute une montagne en avait été faite pour pas grand-chose au final. Donc, est-ce que ça a pesé dans la balance chez Williams? On ne sait pas. En tout cas, ce serait plutôt les performances et la valise de billets, puisque ben Sirotkin emmène avec lui des sponsors et pas mal d'argent également. Après, Sirotkin, c'est pas le comment dire, c'est un pilote, hein. Je l'ai dit, il a fait troisième de GP2 lors des deux dernières saisons, mais il me semble, en tout cas, il a fait des résultats honorables avec parfois. Vu que j'ai suivi par moment le GP2, j'ai pu voir que certaines fois, il arrivait à faire de très très fortes performances, mais ça manquait de régularité, par exemple par rapport à Stoffel Vandoorne il y a quelques années ou par rapport à Charles Leclerc l'année dernière, rien à voir, c'est une catégorie en dessous quand même, Sergei Sirotkin, en tout cas de ce qu'il a montré précédemment. Ça reste un bon pilote, ça y a pas de souci, mais voilà, sans plus. Donc il y a eu les essais là à Barcelone, les essais hivernaux, et on a pu voir un peu au niveau des différents pilotes, ce que ça a donné, sachant que Williams a donné sa chance à leurs trois pilotes, puisque je ne l'ai pas dit, mais Kubica, il le garde quand même en pilote d'essai, parce qu'il a de l'expérience, que Sirotkin et Stroll en ont très peu, et que pour développer une monoplace, c'est très utile. D'ailleurs, Kubica, il a fait un peu, comment dire, il a fait un peu le daron, on peut le dire, en interview. Il a dit, bon, moi, à partir de la première matinée d'essai, je savais quelle était les défauts, les qualités de la Williams. Voilà, il y avait ça qui allait, ça qui allait pas, hop. Il l'a dit en plus, il a dit précisément ce qui allait, ce qui n'allait pas en interview sur la Williams, hein. Ça veut dire que Kubica, il est intelligent au niveau de la communication également. C'est que il passe un message à Williams en leur disant, bon, vous voyez, j'ai l'expérience. En plus, il dit, bah, c'est malin, c'est un peu de la politique également que fait Kubica quand il dit également, ou bien il est vraiment sincère. Je pense qu'aussi il est très sincère dans ses interviews, et le fait qu'il ne calcule pas finalement, ça fait une communication qui peut être assez efficace pour lui. Il a dit, moi je cherchais pas du tout à faire des temps, et j'étais même surpris de me voir devant Sirotkin et Stroll. Enfin, il a dit qu'il cherchait pas du tout à faire des temps, donc oh, il a pas regardé. Il n'a pas dit qu'il était surpris d'être devant Sirotkin et Stroll, il a juste dit qu'il n'a pas regardé les temps. Et ben pourtant, les temps, bon, je pense qu'il les a regardés quand même. On nous l'a fait pas à nous, Robert. Hein. Ouais, non, pas à nous l'a fait pas. Et pourtant, il était devant. Hein. Il a fait des très bons chronos par rapport à ses deux jeunes coéquipiers. Et voilà, donc c'est pas mal. En plus, cette saison, il aura droit, je crois, minimum trois séances d'essais libres pour s'exprimer, dont la première interviendra justement à Barcelone. Donc on ne sait jamais, hein, si Sirotkin ou Stroll ne délivrent pas suffisamment de performances. Eh bien, attention, ils pourront éventuellement être remplacés, hein, faut voir. Mais bon, à mon avis, quand même, le contrat de Sirotkin et de Stroll, bon, celui de Stroll, il est solide en béton, il n'y a pas moyen, mais celui de Sirotkin, je pense qu'il doit être aussi en béton avec la valise de billets, mais on ne sait jamais. À mon avis, il est quand même moins en béton que celui de Stroll, où Papa Stroll peut, à mon avis, peut-être couvrir les frais si jamais Sirotkin s'en allait au profit de Kubica en cours de saison. Mais bon, là, on est que dans la spéculation assez inutile, je dois bien vous l'avouer. Mais voilà, en tout cas, pendant les essais, sinon, Stroll a été plutôt performant, Sirotkin un peu en dessous, mais Sirotkin, c'est un pur rookie, hein, de la F1, donc faut pas tout de suite le mettre au pilori, hein, attention, c'est normal. Après, faire attention, parce que s'il est trop lent, Sirotkin, et si Stroll, de son côté, n'est pas assez rapide, là, on se rendra compte quand même de quelque chose. Williams, ils ont les données. Ils ont les données. Je pense que Kubica également, il a fait en sorte quand même de mettre la barre assez haute pour que Williams puisse comparer les données et se dire, bon, là, Williams est capable d'accélérer et tout, de freiner dans telle situation avec tel setup également. Donc Stroll doit être capable, ou Sirotkin doit être capable de faire la même chose. Ne vous inquiétez pas, au niveau des données, de la télémétrie, c'est très très très précis. Donc Williams, s'il remarque un défaut de performance assez net, ils le verront. Parce qu'ils l'ont vu pour Kubica à Abu Dhabi, ils le verront, j'espère qu'ils rendront l'appareil si jamais il y a quelque chose à faire. Bref, c'était le point Williams, hein, déjà assez long, peut-être trop long. Une autre information très importante, là vraiment je voulais vraiment concentrer les informations les plus, on va dire, les plus importantes, les plus brûlantes, enfin celles que je n'avais pas pu vous délivrer la dernière fois. Donc là les Baquet Williams, qui ça s'était décidé juste quelques jours après que j'ai publié le podcast, voire un petit peu avant, entre la phase d'enregistrement et la phase de montage et de mise en ligne, je ne sais plus. C'est possible, ça m'est arrivé quelques fois déjà d'analyser fin. Bref, et une autre information, donc, c'est que la Formule 1, les instances officielles de la Formule 1, donc via Liberty Media, vont lancer un service de télévision indépendant, le service F1 TV, donc une télé de la Formule 1, une offre entre 6 et 10 euros par mois. Selon que vous payez plus, vous aurez droit à plus ou moins de services. Donc en gros, qu'est-ce que c'est? Ça se passera sur le site officiel de la Formule 1, formula1.com. Et vous aurez droit, oui, parce qu'en France, on y aura droit. Vous aurez droit, pour cette modique somme, on peut le dire, hein, comparé à un abonnement Canal+, même si, en effet, l'abonnement Canal+, donne droit à beaucoup plus de programmes. Mais si vous n'êtes intéressé que par la Formule 1, ça vaut vraiment le coup. Parce qu'en plus, vous aurez accès, bon, aux essais libres avec la télé de la Formule 1, aux qualifications, aux courses, aux replays. À quoi d'autre? Aux conférences de presse, au podium, etc., etc., aux interviews des pilotes. Bref, et aussi un truc génial, les temps autour, bon voilà, avec vraiment les chronos en direct, vous pourrez être votre propre réalisateur. Si la réalisation officielle ne vous satisfait pas, ou que vous êtes passionné, vous êtes fan d'un pilote, par exemple, vous êtes fan de, faut que je cite un pilote pas trop vu. Allez, admettons, on est en France, vous êtes peut-être fan de Pierre Gasly, qui est sur Toro Rosso. Il ne sera sans doute pas trop montré à la télévision par la réalisation officielle. Eh bien, vous pourrez modifier ça, soit en affichant que sa caméra embarquée, soit en affichant sur une partie de l'écran la réalisation officielle, et sur une autre partie de l'écran de votre écran, eh bien Pierre Gasly, tout simplement, sa caméra embarquée. Et c'est génial. Je trouve ça génial, parce que moi qui suis un féru de Formule 1, si j'ai envie d'avoir une information sur un temps, sur ce qui se passe dans le peloton, eh bien on va pouvoir le voir. Et là, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment plutôt pas mal. En plus, couplé à ça, Liberty Media a annoncé qu'ils vont totalement revoir la façon dont ils vont réaliser les Grands Prix à la télé. Là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, alléluia, c'était un peu ça l'idée. Parce que souvenez-vous, hein, dans différents podcasts, j'ai pu souligner, on va dire, les défauts de certaines caméras qui rendent, on va dire, la F1, qui peuvent rendre la F1 ennuyeuse, parce que on n'a pas l'impression de vitesse. Quand on a une caméra qui fait un travelling de fou à la même vitesse que la monoplace, enfin qui suit la vitesse de la monoplace du moins, on ne se rend pas compte de la vitesse de la monoplace, logiquement. Voilà, donc est-ce que les nouveaux angles de caméra, puisque ça a été annoncé, est-ce que ça va changer quelque chose? On va voir. En tout cas, moi, ça m'intéresse beaucoup qu'il y ait un changement à ce niveau-là. Selon moi, c'est ce qui peut aussi redonner de l'intérêt à ce sport de manière télévisuelle. Donc, pourquoi pas. Et également, il y aura l'habillage graphique qui va être refait. Donc, en espérant plus de clarté, évidemment, sur les différentes informations qui peuvent être importantes pour le téléspectateur. Et qui peuvent également, susciter de l'intérêt, quoi, se dire, ah oui, tiens, à cet endroit-là, il se passe ça, il se passe ça, et du coup, pendant la course, même s'il se passe pas grand-chose, on peut quand même être attiré par telle ou telle chose. Et pour les commentateurs, parce que pour en être un moi-même, eh bien, je peux bien m'en rendre compte, c'est que plus il y a une information claire à l'écran, plus le commentateur peut s'épanouir et comment dire, et rendre le tout passionnant. Donc ça, c'est très positif. C'est très positif. Également, nouveauté que je n'ai même pas notée dans ma préparation, mais je viens d'y penser, c'est que les Grands Prix ont été aménagés à des heures différentes. Par exemple, vous aurez le Grand Prix de France non pas à 14h, mais à 16h10. Et tous les Grands Prix ont été décalés 10 minutes 10 minutes plus tard que d'habitude, voire quelques heures également. Pour qu'il y ait plus de téléspectateurs, et surtout il y a ce délai de 10 minutes, parce qu'apparemment les gens n'étaient pas présents pour le départ, et il faut que les gens soient présents pour le départ. Donc voilà, apparemment ça changerait quelque chose, faut voir. Moi, ce que j'ai peur, c'est toujours, hein, c'est qu'on revienne en arrière là, en décalant les Grands Prix de quelques heures. de quelques heures et que après, si jamais il y a des conditions météo difficiles, eh bien soit on ne puisse pas couvrir le Grand Prix, soit on peut le faire mais dans des conditions dangereuses, plus dangereuses qu'elles n'auraient pu l'être si on avait fait un choix plus raisonnable. Donc à voir, mais bon, apparemment, de ce que j'ai vu, ça a été pensé pour ne pas toucher les Grands Prix à risque, on va dire. Suivez mon regard, le Japon. Je crois pas qu'ils aient fait l'erreur de le reculer de 2 heures, celui-ci. Mais bon, attention tout de même. Voilà, ça c'est pour ce que va faire Liberty Media. Je rappelle, hein, ah oui, la télé de la F1 aussi. Par exemple, si vous mettez le max, hein, vous mettez 10 euros par mois, à peu près, hein, ça sera. C'est une fourchette, hein, c'est pas encore sorti officiellement. Moi, j'attends le mail d'information pour pouvoir s'abonner au truc. Ça tarde, hein, parce que déjà, c'est dans 15 jours, hein, que reprend la F1. Enfin, même moins, dans une dizaine de jours. Hein. Pas ce week-end-là, mais le week-end d'après. Eh bien, vous aurez droit également à voir les courses de GP2, de GP3. Donc, c'est vraiment bien. Donc, les catégories d'accessibilité également seront plus visibles. Donc, bah moi, je trouve ça nickel. Hein. Franchement, j'accueille ça. Ça fait des années limite que je milite pour avoir un service comme ça. Tous ceux qui n'ont pas pu s'abonner à Canal+ quand la F1 est passée sur Canal+. Alors, certes, sur Canal+, la couverture de la F1 est plutôt intéressante et plutôt bien faite, hein. Il n'y a pas de pub déjà pendant les Grands Prix. Les consultants sont plutôt intéressants. Les commentaires sont plutôt pas mal, de mon avis, mieux que ce que c'était sur TF1. Bref, c'est pas parfait, ça c'est sûr, il y aurait des choses à améliorer. Mais globalement, une très bonne couverture avec des émissions dédiées entièrement à la Formule 1 en plus. Donc c'est plutôt pas mal, mais ça a un coût. Parce qu'on se rend bien compte que moi j'ai regardé les offres hein, de Canal+, je me suis dit bon, sur mon PC, vu que j'ai pas de télévision sur mon PC, j'ai pas 36 choix. Si je veux regarder toute la F1, parce que je suis un passionné, il me faut 3 chaînes. Canal+, Sport, Canal+, Décalé et Canal+, Canal+, tout court. Pourquoi? Parce que des fois, il va y avoir les essais libres sur Canal+, Décalé, voire certaines qualifications. Sur Canal+, Sport, il va y avoir les qualifications et parfois certaines courses. Et sur Canal+, va y avoir les courses. Donc voilà, ça peut tomber sur 3 chaînes. Il n'y a aucune offre qui regroupe les 3 chaînes, à part l'offre la plus chère, donc à 40 euros par mois. Donc ça fait un peu cher pour suivre toute la F1, vous en conviendrez. Et du coup, ben je comprends bien s'il y en a plusieurs d'entre vous qui suivent la F1 via des biais, on va dire, illégaux. Voilà, parce que ça existe, on le sait, le streaming. Faut pas se mentir, il y a eu un grand sondage de la Formule 1 il y a quelque temps qui l'a montré, hein, que quand même il y avait quand même une part non négligeable des fans de F1 qui la suivaient via du streaming, donc pas qui est par définition illégal. Donc il fallait développer quand même un service pour eux. Donc selon moi, F1 TV répond à cela. Ça répond à cela, ça répond également peut-être à une partie, comme je le disais tout à l'heure. Des fans qui s'abonnent à Canal+, mais qui trouvent pas son compte parce qu'ils voudraient juste suivre la F1. Dans ce cas, ok, ils pourront résilier Canal+ et venir sur F1 TV et gagner de l'argent. En plus, perdre moins d'argent par rapport à ce qu'ils perdaient avant, ce qu'ils dépensaient moins d'argent plutôt. Ce serait plutôt le bon terme. Et voilà. Et tous ceux qui pourraient être intéressés pour avoir un pied, tous ceux qui sont très très férus de F1 également. En plus, peut-être de leur abonnement Canal+, eh bien, tout simplement s'abonner à F1 TV. Eh bien, moi, je vais m'abonner à F1 TV, je vous le dis. Donc, c'est intéressant pour moi également pour être encore plus précis dans l'analyse F1 concernant certaines analyses que je peux faire, hein, de certains pilotes, certaines performances en course, même si globalement on a les informations. Mais voilà, pour aller les pêcher dans le détail, c'est compliqué. Il y avait F1 Access sur le site, mais bon. C'est pas, t'es obligé d'avoir un deuxième écran quoi pour pouvoir gérer ça. Alors que là, il y aura tout sur le même écran, ce sera génial. Pouvoir revoir également, c'est génial. Non, moi, je trouve pas de défaut à ça. Si, attention quand même. Oui, je suis un peu trop angélique à propos de ça, mais attention tout de même, attention, attention. Parce que le truc qui peut arriver, c'est tout simplement que la technique ne suive pas. Admettons, ça rencontre un franc succès, et Liberty Media l'espère, mais au niveau de la technique, ça ne suit pas. Par exemple, le lecteur qui est surchargé, et du coup, ben, ça rame, quoi. Ça peut arriver, surtout au début, hein, Mais voilà, j'espère qu'il y aura peu de soucis techniques et que ça sera plutôt bien, quoi. Parce que au niveau du prix, c'est raisonnable vu ce qui est prévu, ce qui a été annoncé. Donc bon, on suivra ça de très près et je vous prie de croire que dans le prochain podcast, déjà, si le service est disponible et si je l'ai utilisé, eh bien je vous ferai un premier retour de ça. N'hésitez pas également de votre côté à faire votre retour de tout cela sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me mentionner sur Twitter, @F1analyse, sur Facebook également, la page Analyse F1. Donc n'hésitez pas. Bon, pour revenir un peu plus à la F1, on va dire à la Formule 1 même. Les Formule 1 de 2018 ont été dévoilées. Ont été dévoilées. Il y a eu même les essais, les 2 semaines d'essais hivernaux qui se sont déroulés à Barcelone. Donc on a pu voir le halo. Et oui, puisque cette saison, c'est obligatoire, il y aura le halo sur les monoplaces, il y est déjà. C'est une protection en plus. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez voir, c'est une sorte de protection. Moi, je saurais pas expliquer comme ça. C'est pas très radiophonique d'expliquer comme ça. Vous cherchez Halo Formule 1 sur Google ou sur un autre moteur de recherche, tout autre moteur de recherche, et vous trouverez ça. Ou tout simplement, vous attendez Melbourne et vous aurez la surprise. Mais vous en avez déjà entendu parler lors des années précédentes, hein, du Halo. Pas la première fois que j'en parle ou que vous en entendez parler. C'est une protection qui va au-dessus de la tête des pilotes, en gros, au niveau du cockpit. Donc l'opinion publique, c'est que voilà, c'est que ce qui revient, c'est que c'est moche, le Halo. Mais bon, certaines écuries l'ont plutôt bien intégré, je trouve, à leur livret. Ce qui fait que c'est pas si choquant que ça et qu'on s'y habitue finalement. Relativement vite à l'œil, enfin je trouve en tout cas, je n'ai pas fait une fixette dessus en regardant les résumés des essais à Barcelone. Du côté des pilotes, parce que l'avis des pilotes est important, du moins dans l'analyse F1, eh bien ils disent qu'ils s'y habituent en quelques tours. Globalement, il y a seulement un ou deux pilotes qui ont dit le contraire, mais sinon tous les pilotes disent qu'ils s'y habituent en quelques tours. Il y a juste une gêne qui a été notée lors de l'installation au cockpit, notamment noté par Pierre Gasly, qui avait indiqué qu'il avait arraché carrément sa combinaison de pilote en s'installant. Voilà, il y a juste ça, il serait un problème. Du côté, on va dire, de l'aspect matériel du halo, de l'aspect ingénierie. Parce que cette année, le halo, du coup, a eu pour conséquence que les crash tests pour la saison 2018 ont été les plus durs de toute l'histoire de la Formule 1. En effet, il faut que le halo supporte une certaine charge qui correspond à peu près à un bus londonien. Voilà, un bus londonien qui tombe sur le halo, voilà, le halo le supporte. Voilà, tout simplement. C'est vous dire la force du truc. Mais il faut qu'à côté, la monoplace soit assez solide également, évidemment. Donc les crash tests ont été très très très compliqués. Finalement, toutes les écuries ont trouvé une solution. Et il y a même des ingénieurs qui ont trouvé des solutions aérodynamiques sur le halo. J'en parlais peut-être pas dans le dernier podcast, peut-être dans celui d'avant, mais j'en ai parlé, c'est sûr, dans l'analyse F1. C'est que dans le règlement, il y avait une certaine latitude pour des éléments aérodynamiques sur le halo. Et du côté des écuries, il y a eu déjà diverses solutions qui ont été trouvées pour permettre, on va dire, l'optimisation du flux d'air, ou du moins diminuer le plus possible la perturbation du flux d'air qu'engendre le halo, parce que c'est aussi ça le problème, sur le halo lui-même. Donc vous aurez l'occasion de voir ça à Melbourne, hein, si vous ne l'avez pas vu, ou bien même dans les différents magazines qui sont sortis et qui montrent les F1. Et oui. Donc c'est intéressant. Également, CF1 2018 ont donné lieu, on va dire, à un changement au niveau des ailerons arrière, changement réglementaire, hein, puisque il y a eu l'interdiction cette année des monkey seats et une tentative réglementaire également de limiter le soufflage de l'aileron arrière par les gaz d'échappement. Parce que oui, l'année dernière, on va dire, les ingénieurs avaient trouvé comme solution contre, on va dire, le diffuseur soufflé, eh bien, c'était directement l'aileron arrière qui était soufflé par les gaz d'échappement. Tout simplement, comme ça, il y a de l'air qui est expulsé en direction de, comment dire, de l'air sale en direction de l'aileron arrière, et ça favorise l'appui aérodynamique. Donc, malgré cette tentative réglementaire de cette saison, il y a quand même des choses qui ont été trouvées. Les ingénieurs arrivent à contourner ce règlement ou à l'optimiser, comme Renault par exemple. Dans le règlement, c'est marqué noir sur blanc. Vous pouvez pas orienter l'échappement, le bout d'échappement de plus de 5% en hauteur. Et ben, du coup, Renault, ils l'ont orienté de 5% en hauteur. Ils ont mis une protection en bas de l'aileron arrière pour pas que ça soit brûlé. Une protection de chaleur, tout simplement, anti-chaleur. Et du coup, quand même, il y a quand même de l'air qui va arriver sur l'aileron arrière. Donc voilà, il y a quand même des solutions qui sont trouvées. Ça qui est beau, hein, chaque nouveau règlement un peu contraignant, les ingénieurs trouvent quand même avec leur génie, c'est le cas de le dire, des manières de contourner tout ça. Donc voilà, il y a d'autres solutions également qui ont été trouvées ici et là par d'autres écuries, hein. Je vous invite notamment à aller voir les différentes analyses techniques qui ont été faites sur certains sites, notamment par exemple sur motorsport.com, j'ai pu voir ça, et d'autres sites certainement, peut-être F1i, peut-être NextGen Auto, je ne sais pas, je les cite à peu près tous, enfin je les cite les plus connus du moins, il y en a peut-être d'autres également sur des sites un peu plus indépendants, mais voilà, en tout cas vous trouverez ça facilement. Donc n'hésitez pas à aller consulter ça si ça vous intéresse. Alors c'est très technique, mais au moins globalement, moi de ce que j'en ai retenu, c'est quand même qu'il y a des solutions assez différentes qui pour l'instant ont été trouvées. Puis on attend de voir celles qui sont les plus probantes. Et puis après, quand les solutions probantes sont trouvées, généralement toutes les écuries vont s'aligner sur cette solution pour comment dire, et ben pour optimiser la performance de leur monoplace. Ensuite, au niveau des pontons également, il y a eu de sacrés changements de sacrés changements au niveau des pontons, des monoplaces. Alors, au début, je me suis dit, c'est peut-être pour trouver une solution par rapport au halo, par rapport au flux d'air, à la perturbation du flux d'air qu'engendre le halo. Mais ce serait plutôt, en réalité, une évolution de ce qui avait été fait l'année dernière. Et du coup, on voit notamment sur la Ferrari, qui semble avoir été la plus ingénieuse, la plus originale du moins sur les solutions. Il y a trois trous au niveau des pontons où passe l'air, hein. Un au-dessus des pontons et deux dans la partie habituelle que l'on peut voir dans les entrées d'air. Et aussi pour diriger le flux d'air en direction des pontons, et bien également des petits éléments aéro au niveau du rétro. Et oui. Au niveau du rétro, tout simplement, derrière le rétro. Donc voilà, il est vraiment Ferrari à ce niveau-là, a vraiment bien bossé, semble-t-il, du moins à trouver des solutions assez originales. Et aussi, on peut voir également sur la partie supérieure des pontons, ça fait une sorte d'aile. Quand on regarde la monoplace, ça fait deux ailes, on dirait, deux ailes d'avion, deux ailettes d'avion. Et voilà, Ferrari a trouvé cette solution, Mercedes une autre. Je vous invite également à aller vous concentrer sur les pontons. C'est une zone très très intéressante. Moi, quand j'ai découvert les monoplaces directement, je me suis dit, ah ouais, au niveau des pontons, c'est des solutions très différentes. Même si le règlement a peu bougé par rapport à l'an dernier, on voit quand même que les ingénieurs redoublent comment? D'ingéniosité, mais pour pas reprendre ce terme d'originalité, devrais-je dire. Donc voilà. Puis il y a eu donc en parallèle des fins 2018 qui ont été dévoilées, il y a eu les essais hivernaux. Donc voilà, attention, moi je vous alerte sur le fait qu'il faut faire attention de ne pas interpréter les temps au premier degré déjà, parce que ça dépend des pneumatiques utilisées, de l'essence, de la quantité d'essence qu'il y avait, du moteur, du mode moteur utilisé, la cartographie quoi. Donc ça, faut faire attention vraiment aux médias et même aux vidéos officielles de la F1 parce que certains résumés se concentrent seulement sur le chrono. Donc et aussi sur le nombre de tours. Le nombre de tours, c'est déjà un peu plus parlant au niveau de la fiabilité. Mais au niveau du temps, faire attention parce que la cartographie moteur, on a bien vu l'année dernière à quel point par exemple une écurie comme Mercedes pouvait un peu cacher ses cartes, hein, cacher son jeu, comme on dit. Et puis le dévoiler par la suite. Donc attention à ça. On va voir. C'est dur à dire. On peut s'exprimer sur la fiabilité déjà. Sur la fiabilité, Mercedes, Ferrari, Red Bull ont eu très peu de soucis. McLaren a eu pas mal de soucis quand même, hein. Plusieurs soucis. C'est l'écurie qui a effectué le moins de kilomètres quand même bien plus que l'année dernière, hein, heureusement. Mais là où le bât blesse pour eux, c'est que Toro Rosso Honda, vu que Toro Rosso est motorisé par Honda cette année, Toro Rosso Honda s'est montré très très très très fiable. C'est une des écuries qui a couvert le plus de distance durant la quinzaine. Hein. Donc quand même, hein, enfin durant la quinzaine, durant la dizaine de jours d'essai. Donc, pour McLaren, ça la fout mal, hein, comme on peut dire. Donc, est-ce que finalement tous les torts étaient sur Honda? Est-ce qu'il n'y avait pas des torts sur McLaren? Oh, tiens. Est-ce qu'il n'y aurait pas des torts sur McLaren depuis 2013 finalement? De 2013 à 2018? Moi je crois que si, hein. Moi c'est évidemment une question rhétorique que je vous pose, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas en termes de performance en revanche, McLaren semble avoir fait un bond en avant quand même, pour être plus sérieux, avec cette motorisation Renault, mais du fait d'avoir un nouveau moteur qui est totalement différent du Honda, ça demande une réorganisation complète de la monoplace et c'est également pour ça que McLaren se révèle pour l'instant pas très fiable, hein. Il faut s'habituer, le moteur et l'unité de puissance est complètement différente. Du coup, il faut aménager la monoplace différemment. Également, il y avait une relation de défiance entre McLaren et Honda qui s'était installée finalement. Et du coup, ça peut pas faire. Ça peut pas faire. Parce que Honda avait une façon de travailler, McLaren exigeait certaines choses. À un moment, il faut qu'il y ait les deux éléments qui s'intègrent, hein, l'élément unité de puissance et l'élément châssis. C'est indissociable, quoi. Et on avait l'impression que c'était un peu dissociable malheureusement. Entre Toro Rosso et Honda, en revanche, ça a l'air de se passer comme sur des roulettes. Donc bon, ben le résultat est que la fiabilité est là. On verra au niveau performance que ça donne, mais la fiabilité semble être là. Concernant la Sauber, les pilotes Sauber ont eu beaucoup de mal, beaucoup de tête à queue quand même. Hein. C'est eux qui ont eu le plus commis d'erreurs. Alors du coup, moi je remets pas les pilotes en cause quand je vois qu'il y a que les pilotes Sauber qui sont partis à la faute quasiment, enfin ils sont beaucoup plus partis à la faute que le reste, de ce que j'ai vu. Donc, la Sauber semble plus difficile à piloter, ça a été confirmé quand même par des pilotes, les pilotes eux-mêmes. Pourquoi? Parce que Sauber passe d'une motorisation Ferrari 2016 à une motorisation Ferrari 2018, à une forte restructuration vu que Alfa Romeo vient s'en mêler. Et le maintenant ça s'appelle Alfa Romeo Sauber d'ailleurs, hein, devrais-je dire, et non plus Sauber tout court. Donc, évidemment il y a des grosses évolutions et du coup le temps de digérer tout ça, d'avoir un moteur plus fiable, plus performant et etc. et de vouloir vraiment améliorer le châssis, eh bien il va falloir des tests en plus. Je pense que sur les premiers grands prix, ça peut être compliqué pour Sauber. Sur les deux premiers grands prix, peut-être. Après, ça peut un peu, on pourra un peu voir où ils en sont, un peu mieux quand même. Mais là, ça semble un peu compliqué pour eux. À voir. Cependant, le premier grand prix également, ça peut être un grand prix surprise, hein, comme d'habitude. Mais, pour voir où ils en sont vraiment, il faudra attendre quelques grands prix, ça c'est sûr. On peut noter également que les monoplaces ont gagné en performance durant ces essais hivernaux. Par rapport à l'année dernière, le record absolu du circuit a été explosé. Il est en 1.17. 1, donc, c'est très très rapide. Je crois que c'est Vettel qui a fait ce record, ou Raikkonen, je crois que c'est Vettel. Et également le fait que les monoplaces sont plus rapides, ça veut dire que les monoplaces sont encore plus physiques à piloter que l'an dernier. Notamment, vous avez comment expliquer? À un moment sur le circuit de Barcelone, vous avez vers le milieu du circuit, vous avez une chicane dans le secteur 2, une sorte de chicane rapide, hein. Et ensuite vous avez un virage à droite très rapide qui précède il y a eu une longue ligne droite, d'ailleurs qui est une ligne droite DRS, voilà. Ben, le virage à droite, là maintenant, il se passe à fond, voilà, tout simplement. L'année dernière, on levait le pied un petit peu, sauf en qualif, hein, mais je crois qu'il y avait très peu de pilotes qui levaient pas le pied dans ce virage. Mais maintenant, on lève le pied tranquille, on le pied au plancher tranquille dans ce virage. Hein. Donc voilà, forcément, ça secoue plus le coup, il y a plus de forces G qui sont appliquées. Donc, la Formule 1 cette année sera encore plus physique et encore plus prenante pour les pilotes eux-mêmes. Hein. Ils le disent, hein, ça, ils aiment bien tutoyer les limites et la vitesse, forcément. Du côté de Force India et Sauber, ah oui. Donc là, on quitte un peu le domaine des essais hivernaux et de tout ce qui s'est passé. Mais c'est une actualité quand même importante vu que j'en avais parlé lors d'un précédent podcast. Force India et Sauber ont retiré leur plainte qui avait été déposée devant la Commission européenne en 2015. Alors je vous rappelle, ça, j'avais fait un podcast en 2015. Ça fait 3 ans. Oh là là, ça fait 3 ans, mais rien que dire ça, je me fais vieux là. Il y a la barbe qui pousse, il y a tout ça. Les cheveux blancs là, mes cheveux blonds sont en train de virer blanc en direct. Vous ne le voyez pas, mais c'est bien dommage. Enfin bref, oui, donc cette plainte concernait le fait que ces écuries estimaient que les règlements et la politique de redistribution des revenus étaient contraires à l'équité sportive. Voilà. Et du coup, Force India et Sauber avaient fait appel à la Commission européenne pour aller enquêter là-dessus et éventuellement également condamner la Formule 1 pour ne pas respecter l'équité sportive. Alors, ils ont retiré leur plainte. Alors, pourquoi? Eh bien, je vais vous lire une partie du communiqué commun de Force India et Sauber. Je cite. « Nous avons été soulagés par les discussions qui ont eu lieu avec Chase Carey, le patron de la Formule 1, et son équipe de management. » Voilà. Donc, en gros, il y a eu des discussions avec Liberty Media. Ce qui s'est passé, c'est que avec l'ancien patronat de la Formule 1, ça n'allait pas. Et là, avec les déclarations de Liberty Media, où Chase Carey, notamment, leur a apporté les a rassurés quant au fait que, à partir de 2020 et les nouveaux accords Concorde, eh bien, il y aura vraiment, vraiment des nouveaux règlements qui limiteront, on va dire, peut-être les budgets, qui feront en sorte et changer la redistribution des revenus, quoi. Également, qui n'est pas, c'est vrai, on peut le dire, totalement équitable, vu qu'elle favorise de facto, quel que soit leur résultat, certaines écuries historiques. Et, par exemple, des écuries comme Force India et Sauber, qui peuvent, par à-coup, faire de très bonnes performances à certaines saisons, ne sont pas récompensées à leur juste valeur. C'était ce qu'estimaient ces écuries, notamment, pour leur plainte, et c'est ce qu'elles estiment toujours, hein. Ça n'a pas changé, c'est juste que apparemment Liberty Media a su les rassurer sur ces points-là, ça va changer, donc on attend de voir également, nous aussi, avec impatience, si ça va vraiment changer, parce que c'est un sujet épineux qui est traité depuis, je sais pas, ça fait 10 ans que petit à petit ce sujet prend de plus en plus d'ampleur, et qu'il y a eu des choses promises, mais qui n'ont pas été faites. Du coup, ça a énervé notamment Force India et Sauber. Et là, on va voir si ces choses vont vraiment être faites, quoi, tout simplement. S'il va y avoir un gros changement à ce niveau-là, pourrait récompenser ces écuries qui ont déjà du mal à survivre en F1. Donc en plus, si on les récompense pas quand il y a vraiment des prouesses sportives, et là, Force India, ces dernières années, on peut pas dire qu'ils ont chômé, quoi. Ils ont vraiment bien bossé avec un effectif moindre que beaucoup de top teams et qui réussissent quand même à être devant certaines écuries bien mieux dotées. Donc, ouais, je comprends qu'ils veulent vraiment, des changements à ce niveau-là. Ah oui, j'ai oublié de citer. Ah oui, alors j'ai pas tout cité. Alors, leur approche a permis d'apporter une nouvelle idée de transparence dans la discipline et ils ont montré qu'ils étaient préoccupés par les problèmes fondamentaux auxquels la Formule 1 est confrontée, la distribution des revenus, le contrôle des coûts ou encore la réglementation moteur. Voilà. Donc c'est tous ces sujets qui seront amenés peut-être à évoluer à l'avenir en Formule 1. Affaire à suivre. Bon, en parlant de changements dans les règlements et tout ça, la FIA a émis une directive en direction de tous les écuries. Et en particulier en direction des fournisseurs de moteurs. Donc, suivez mon regard, Ferrari, Mercedes et Renault. Les écuries constructeurs. Donc en direction des constructeurs pour que les unités de puissance qui sont fournies à leurs écuries clientes, par exemple, en prenant l'exemple de Mercedes, ce serait Force India et Williams. Je crois que j'en oublie pas. Donc Force India et Williams. Donc, la directive, c'est que dans le dossier de l'unité de puissance, que ce soit les mêmes dossiers déjà pour tous les clients et que ce soit les mêmes dossiers entre l'unité de puissance client et l'unité de puissance constructeur. Qu'il n'y ait aucune différence entre les différents moteurs, que chaque écurie, elle soit cliente ou constructeur, puisse utiliser les moteurs de la même manière. Par exemple, le fameux bouton magique des Mercedes, que si jamais ce n'était pas le cas, on n'en a pas la preuve ni rien, mais si jamais ce n'était pas le cas, que Force India Williams puisse l'utiliser, Pareil, s'il y a des petits trucs en course, que tout le monde puisse utiliser les moteurs de la même manière. Pourquoi? Parce qu'il y avait des forts soupçons, bah justement, notamment sur Mercedes, que Mercedes ait un avantage à ce niveau-là, même si ça a été démenti évidemment par Toto Wolff. Bon, il allait pas dire ah si si, nous on s'avantageait et puis on sacrifie. Du coup, on désavantageait nos écuries clientes. Non, il n'a pas du tout dit ça. Il a dit tout le contraire d'ailleurs. Donc bon, après c'est parole contre parole, mais en tout cas, la directive clarifie les choses et empêche qu'il y ait des, comment dire, ben un avantage créé de la part des écuries constructeurs, et du coup que ça entrave l'équité sportive. Parce que oui, si de telles choses étaient appliquées, c'est-à-dire que l'écurie constructeur, et ben directement elle soit avantagée, évidemment ça entrave l'équité sportive et les écuries clientes ne pouvaient pas gagner du tout. Donc ils ne pouvaient pas même progresser, donc c'était assez grave. Donc bon, au moins il y a cette directive. Bon, on va voir si ça change vraiment quelque chose. Ce serait pas mal, hein, si jamais on voit qu'il y a vraiment un gros changement, on se dit, ah tiens, bizarrement, ces écuries-là, elles reviennent sur le devant de la scène, elles sont bien plus rapides. Alors certes, elles auront fait un bon boulot, mais c'est possible que cette directive aide également. En tout cas, ça empêche un abus. Ça empêche un abus, donc c'est très bien. Bon, bah c'est la fin de cette partie actualité encore fort chargée et pourtant pas exhaustive. On se donne rendez-vous tout de suite pour parler de la place des femmes en Formule 1 et bon plus largement dans le sport automobile. Hein, et ce sera en compagnie de Nina Rochette. En attendant, on va s'écouter un peu de White Blues. White Blues qui a un nouveau label et qui du coup est trouvable. Le dernier album là, Bilon, c'est quoi le dernier album? C'est Bilon to the Barrel, je crois. Alors attendez un petit instant que je retrouve ça. Toutoum. Non, oui, c'est ça, Belong to the Barrel. Eh bien, cet album est trouvable chez tous vos disquaires préférés, notamment c'est trouvable à la Fnac. Hein. Donc, n'hésitez pas, si vous aimez leur musique, à aller acheter leur CD. Ça soutient les artistes, évidemment, et après, ça leur permet qu'il y en ait d'autres. Donc voilà, c'est bien que ce petit groupe grenoblois puisse vraiment avoir leur musique disponible pour le grand public un peu partout. Donc, n'hésitez pas. Voilà, c'était ce que j'avais à dire sur l'actualité du groupe et on va s'écouter une de leurs chansons et on se retrouve tout à l'heure pour le sujet principal du podcast. Bonne écoute, à tout de suite. Nous sommes donc de retour dans Analyse F1 pour aborder le thème principal de ce podcast. Et je ne vais pas le faire tout seul. Et non, pour une fois, je suis accompagné dans l'émission. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas accueilli quelqu'un. Et c'est avec un grand plaisir que j'accueille Nina Rochette dans Analyse F1. Bonjour à toi, Nina. Bonjour, Julien. Bonjour à tous. Et donc, qui es-tu, Nina ? Les auditeurs ne te connaissent peut-être pas. Alors, je suis une étudiante fan de sport automobile et donc je travaille dans le domaine du sport automobile en tant que community manager pour une équipe de Formule 3 et je suis également journaliste en freelance spécialisée dans la monoplace et dans tout ce qui est série d'accession à la Formule 1. D'accord, ah oui, donc tu es vraiment au plus près du terrain dans le sport automobile. Oui, on peut dire ça. D'accord. Ça tombe bien parce que justement, c'est une des raisons pour lesquelles je t'ai convié dans Analyse F1. Et une autre raison, c'est le thème bien particulier dont on va discuter, c'est celui de la place des femmes en Formule 1. Mm-hmm. Parce que selon moi, c'est un sujet qui est différent des autres sujets que j'ai pu traiter ici, qui étaient surtout liés aux sportifs, avec des analyses de résultats, etc., parler des pilotes en activité, enfin, des sujets qui traitent vraiment purement du sportif. Là, je trouve que c'est un sujet qui dépasse ça et qui va toucher à l'humain. Et je ne pouvais pas le traiter tout seul, d'autant plus que je n'ai pas de vision féminine. Tout seul, je n'aurais pas pu et je ne l'aurais jamais traité. Ce thème tout seul, donc merci à toi d'être là. Merci de m'avoir invité. Je t'en prie. En plus, c'est un sujet qui semble te tenir à cœur, il me semble. Oui, tout simplement parce que on n'est pas beaucoup de femmes dans le sport automobile et du coup, je pense qu'il est quand même assez important qu'on arrive à faire entendre notre voix puisque je pense que c'est aussi important de montrer qu'on est là. Et qu'on n'est pas différent des autres. Je suis bien d'accord, je suis bien d'accord. Et donc c'est l'occasion cet après-midi de justement que tu puisses t'exprimer à ce sujet en long, en large, et puis en travers également, enfin comme tu le voudras. Du coup, je te propose c'est de revenir un peu sur l'actualité pour vraiment rentrer dans le thème. Du coup, oui, il y avait cette actualité dont j'avais parlé dans le précédent podcast. C'est Carmen Jordá qui avait été nommée à la commission des femmes à la FIA. Donc, pour rappel, cette nomination avait provoqué pas mal de critiques, notamment de la part de pas mal de pilotes féminines. Je crois Pipa Mann qui s'était exprimé, Tatiana Calderon, oui. Beaucoup d'autres pilotes également. Alors pourquoi il y avait eu des critiques ? Eh bien tout simplement parce que Carmen Jordá souhaite une compétition 100% féminine. Alors ça, évidemment, il y a eu pas mal de critiques parce qu'on sait que quand même le sport automobile, c'est un sport qui se veut mixte. Donc les hommes et les femmes qui concourent les uns contre les autres. Et suite à cela, Michel Mouton, qui est donc, si je ne me trompe pas, qui dirige la commission des femmes à la FIA, elle a tenté un peu d'éteindre les braises en disant que ça serait un membre parmi d'autres et que sa parole ne va pas trop compter, enfin, ne va pas compter plus qu'une autre en tout cas, nier cette éventualité de compétition 100% féminine. Donc, toi, Nina, qu'est-ce que t'en penses de tout ça ? Est-ce que ça te fait peur ? Est-ce que cette compétition 100% féminine, au contraire, tu serais pour, contre ? Qu'est-ce que t'inspire cette actualité ? Moi, je suis totalement contre l'idée de séparer les femmes et les hommes en sport automobile, tout simplement parce que contrairement à la majorité des autres sports, on a un facteur qui est quand même très important, qui est le facteur technologique. Et on sait que sans voiture, en fait, on n'est pas capable de rouler. Et pour moi, la voiture, on va dire, corrige, entre guillemets, les différences physiques qu'il pourrait y avoir entre les femmes et les hommes qui poussent à ce que les femmes et les hommes soient séparés dans la majorité des autres sports. D'accord. Que ce soit les voitures, que ce soit les motos. On a bien vu des exemples avec Maria Herrera ou... Anna Carrasco qui ont réussi à remporter des courses en moto dans leur catégorie et qui sont quand même des catégories assez hautes. Concernant la nomination de Carmen Jordà, je ne suis pas du tout étonnée du fait qu'elle ait rejoint la commission des femmes de la FIA. En même temps, c'est la femme qui a été et qui est toujours avec Tatiana Calderón la plus proche du sport automobile aujourd'hui d'un point de vue, enfin la plus proche de la F1, pardon, d'un point de vue pilote. Donc je pense que c'est presque normal qu'elle y soit. Après, on sait bien que Carmen Jordà ne représente pas la majorité des femmes pilotes dans le sport automobile, que ce soit dans ses opinions ou même de la façon dont elle est arrivée. Et c'est pour ça que je ne m'inquiète pas plus que ça de sa nomination, surtout que quelques semaines plus tard, c'est Tatiana Calderón également qui a rejoint cette commission, D'accord. qui est d'ailleurs un peu aux antipodes de Carmen Jordà d'un point de vue opinion. Donc je ne m'inquiète pas plus que ça, c'est juste que c'est vrai que pour le coup, ça avait été assez ironique de voir que Carmen Jordà voulait défendre les intérêts des femmes dans le sport automobile. Elle défend ses propres idées, ce que je comprends et ce que tout le monde ferait. Le problème étant que ces idées ne font absolument pas l'unanimité, mais c'est un exemple de démocratie et il faut que ça continue. Oui, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord avec toi. Bon, ben quelque part, c'est plutôt rassurant du point de vue, on va dire, de la mixité du sport qui ne serait donc pas remise en cause du tout par cette nomination. Non, moi, je pense que voilà, je pense qu'il n'y a pas de. Il y a, si uniquement Carmen Jordà et Bernie Ecclestone sont pour le fait d'avoir une catégorie féminine, je pense qu'on a encore de beaux jours. La mixité en sport automobile a encore de beaux jours devant elle. C'est sûr, c'est sûr. Ensuite, sinon, quelques semaines après, même c'est récent, là, bon, ça fait quand même, je pense, 2 semaines que ça avait été annoncé, il va y avoir, enfin, à partir du premier Grand Prix, à partir de Melbourne, nous ne verrons plus les Grid Girls. Donc, que sont les Grid Girls? Que se cache derrière cet anglicisme? Peut-être le savez-vous déjà, mais je vais quand même vous le rappeler. En gros, il s'agissait des mannequins. Qui était donc placé sur la grille de départ devant chaque ou derrière, d'ailleurs je ne sais plus, devant ou derrière chaque monoplace de la grille de départ, elle tenait un Devant panneau chaque monoplace. devant, d'accord, très bien, devant, tenant un panneau avec le numéro du pilote. Donc voilà, c'est quelque chose qui existe depuis des décennies, et donc Liberty Media a décidé de mettre fin. Mais comme à chaque fin, on va dire, d'une tradition, je mets vraiment ce mot entre guillemets, il y a des levées de boucliers énormes. Donc là, il y a eu des levées de boucliers, notamment de la part de plusieurs pilotes qui ont vraiment émis un avis contraire à cette mesure, et aussi plusieurs fans du sport qui ont exprimé leur mécontentement. Alors, est-ce que la fin des Grid Girls, est-ce que ce ne serait pas quand même une avancée, une certaine avancée d'un point de vue humain, d'un point de vue féministe de la situation? Est-ce que on n'est pas aussi dans un changement d'époque, un changement de mœurs par rapport aux années 80, 90, qui est aussi, on va dire, qui impose ce changement qui est finalement plutôt logique, avec aujourd'hui une libération de la parole féminine? On l'a vu avec, par exemple, le hashtag Balance ton port, mais il y a aussi pas mal d'initiatives féministes de par le monde pour beaucoup de sujets. Est-ce que finalement, cette fin des Grid Girls, selon toi, Nina, serait pas finalement. Est-ce que c'est pas logique? Est-ce que c'est pas un pas en avant qu'effectue l'AF1? En ce qui me concerne, je ne qualifierais pas la fin des Grid Girls comme un acte de féminisme, tout simplement parce que s'il y avait des féministes à Liberty Media, ça se saurait. Et en tant que. Moi, en tout cas, je me considère comme féministe, je ne considère pas ça comme une insulte quelconque. Oui. Je souhaite que chaque femme puisse faire ce qu'elle veut. Et les Grid Girls, beaucoup des Grid Girls d'ailleurs ont critiqué cette décision de la Formule 1, même si ce sont pas forcément des Grid Girls qui travaillent en Formule 1, hein, que ce soit celles qui travaillent en BTCC notamment, en DTM ou même en moto. Elles ont vraiment été vent debout contre cette décision, comme 90% de l'audience de la Formule 1. Mais en ce qui me concerne, je ne peux pas dire que je me réjouis pas de cette décision parce que au moins on montrera que les femmes en sport automobile n'existent pas uniquement que à travers les Green Girls. Et je peux dire qu'une chose, c'est que ça me fait plaisir de voir de savoir qu'on sera montré d'un autre angle que juste des nanas qui portent des panneaux, quoi. C'est clair et net. Surtout avec l'objectivation qu'on en faisait, notamment en DTM ou en WTCC, où il y a des séances photos qui sont dédiées pour les fans, pour les Green Girls. J'ai trouvé ça un petit peu aberrant. Après, si ça permet d'attirer un public plus large, plus moderne et plus jeune, moi je n'y vois absolument aucun inconvénient. Oui, je pense aussi, d'ailleurs, je pense, oui, comme tu le disais, oui, je pense que Liberty Media ne s'est pas découvert de vertus féministes du jour au lendemain et que Ça, c'est clair. c'est pensé justement pour justement augmenter, attirer une audience plus qu'autre chose. Après, si ça sert une cause, même indirectement, ben, tant mieux. Mais après, tu as bien fait également de rappeler, oui, que l'avis des Grid Girls, hein, l'avis des principales intéressées. Donc, ça, c'est aussi intéressant de l'avoir à l'esprit. Ben, du coup, on verra ce que ça donne si si les fans finissent par l'accepter, si les gens en général finissent par accepter ce changement et ce qui va se passer aussi si c'est suivi. Parce que ça, oui, je ne sais pas, est-ce que ça concerne juste la F1 ou également les autres catégories de la FIA, la F2, la F3? Alors, en ce qui concerne cette grille-là, du coup, ce sera pour toutes les catégories en même temps que la F1, donc ça concerne également la Formule 2 et la GP3. Il faut savoir qu'en WEC, donc dans le championnat d'endurance, ça fait peut-être 2 ou 3 ans, je crois, qu'il n'y a plus de grille girls. D'accord. Et en formule électrique, alors c'est un peu compliqué puisque la formule électrique, notamment elle est rentrée à GAG, donc le promoteur de la formule électrique, s'était un petit peu vanté justement lors de la décision de Liberty de dire bah, bienvenue dans le 21e siècle parce que la formule électrique utilise quand même beaucoup les Grid Kids, donc qui remplaceront les Grid Girls, ce sont des enfants. Le problème, c'est qu'une semaine plus tard, la Formule E a quand même dit qu'il y aura toujours des grid girls sur certains circuits. Donc ça fait un peu un double discours assez maladroit. Ah oui, ouch. Mais voilà, il faut savoir que la F1 n'est pas un cas isolé. Le problème, c'est que bon, forcément, quand on parle de grid girls, on associe ça à la F1. Mais voilà, en DTM, elles continueront d'exister. Ils l'ont d'ailleurs très bien rappelé sur les réseaux sociaux. Pareil en MotoGP. Voilà, je pense que dans certaines catégories, notamment en catégorie de voitures de tourisme, elles resteront là, puisqu'il y a vraiment une tradition qui est encore plus ancrée qu'en Formule 1 pour les catégories. D'accord. Très bien, très bien. Merci pour ces informations. C'est vrai que j'avais pas, je m'étais pas forcément concentré dessus lors de ma recherche. Du coup, ce que je te propose, c'est qu'on bascule de l'actualité vers un côté un peu plus historique, sauf si tu as noté ces derniers temps d'autres actualités liées aux pilotes féminins en Formule 1, pilotes féminines, pardon. Non, bah pas forcément, bah si ce n'est Tatiana Calderon dont on attend encore en suspens la confirmation probable comme pour une deuxième saison en tant que pilote développement Sauber. Sinon, on n'a pas d'autres choses. On sait juste que Marta Garcia, qui était une jeune pilote espagnole, qui est, pardon, une jeune pilote espagnole qui avait fait partie du programme de développement de Renault l'année dernière, ne continue pas dans ce programme-là. C'est un peu dommage. Et sinon, il y a toujours en formule de promotion, donc il s'agit de Tatiana Calderon, de Marta Garcia, de Jamie Chadwick, de Sophia Flörsch, et encore quelques femmes qui peuvent monter. D'accord, très bien. Ben, on les suivra avec attention. Du coup, pour parler justement des pilotes féminins qui ont traversé un peu l'histoire de la F1, qui ont réussi vraiment à entrer en Formule 1, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a tout de même 5 à travers l'histoire. Donc ça commence en 1958, et oui, 1958, 8 ans après le début du championnat du monde de F1, Maria Teresa de Filippis. Puis ensuite, il faut attendre 17 ans avant de retrouver une pilote au volant d'un baquet titulaire, et c'est sûrement la plus connue, hein, c'est Leila Lombardi en 1975, qui a donc inscrit un demi-point. Je crois que c'était au Grand Prix, un Grand Prix de Belgique qui ne s'était pas terminé, et du coup, les points étaient divisés par deux. Mais c'était quand même une belle prouesse de marquer ce point de la sixième place. Et donc, elle reste également la dernière femme à s'être qualifiée pour un Grand Prix, et la seule à être entrée dans les points. Et par la suite, après sa carrière de Formule 1, parce qu'elle n'a pas fait que ça, et loin de là, elle a eu des très bons résultats en endurance, hein, beaucoup de podiums sur des épreuves, sur pas mal d'épreuves reconnues. Donc c'est vraiment une pilote qui a marqué l'histoire du sport automobile. Ensuite, il faut pas attendre longtemps avant de retrouver une femme en F1, mais comme je vous l'ai dit, elles ne se qualifieront pas. Du coup, pour un Grand Prix, étant trop lente en qualification et ne disposant pas également de machines, on va dire, officielles. Souvent, c'est dans des écuries privées ou avec des monoplaces qui ont une année ou deux d'ancienneté. Donc, c'était Divina Galica en 76 et 78, Desiree Wilson en 1980 et enfin Giovanna Amati en 1992. Et c'est tout. Depuis 1992, plus aucune femme n'a été dans un baquet titulaire en Formule 1. Alors bien sûr, on a eu des pilotes d'essai, tels Suzy Wolff, qui a effectué une ou plusieurs séances d'essai au volant de la Williams, d'essai libre. On a eu également, donc on en a parlé tout à l'heure, Carmen Jordà, qui avait été recrutée chez Lotus comme pilote d'essai. Mais bon. Il faut bien noter que malheureusement, notamment pour cette dernière, c'est un exemple assez malheureux parce qu'elle a été recrutée très clairement pour faire un effet de communication pour Lotus. Et je trouve ça assez triste. Je sais pas ce que t'en penses, Nina, cette façon de justement d'utiliser, on va dire, la cause féminine pour gagner une image, on va dire, pour une marque. C'est tout à fait ça. Je pense que Carmen Jordà, donc pour ceux qui ne suivent pas trop F1 et surtout les catégories inférieures, il faut savoir que Carmen Jordà a quand même passé 3 ans en GP3 sans marquer le moindre point. Quand on compare à Tatiana Calderón, qui elle en 2 ans a déjà comptabilise 5 ou 6 arrivées dans les points, Eh oui. c'est quand même assez flagrant comme contraste. Donc, voilà, pour Carmen Jordà, c'est clairement un effet de marketing, un effet de communication qui a bien été mis en avant d'ailleurs par Bernie Ecclestone en tant qu'étendard de la cause féminine. Le problème, c'est que ça fonctionne plutôt comme un épouvantail. Et ça, je pense que Bernie Ecclestone l'a très très bien compris. En revanche, après, c'est sûr que bon, voilà, ce n'est pas. C'est clair que quand on compare même Tatiana Calderón, ce n'est pas elle qui a eu les meilleurs résultats en GP3 ces 2 dernières saisons, et pourtant elle bénéficie quand même d'un volant de pilote de développement. Donc c'est sûr que ça peut faire effet de marketing comme ça, mais il faut quand même rappeler que certains pilotes actuellement, je pense à Nikita Mazepin. Qui est pilote de développement Force India, n'a pas non plus n'est pas non plus arrivé là par ses résultats. Et Oui. c'est ça dont il faut se rappeler. Ah oui, c'est vrai que c'est un phénomène qui est assez monnaie courante du côté des pilotes d'essai chez les écuries, de prendre des pilotes d'essai plus pour leur fond ou pour l'effet marketing plutôt que pour leurs résultats passés. Sinon, je voulais citer un contre-exemple, enfin plutôt une des exceptions qui confirme la règle là, que je viens d'énoncer, qu'il y a très peu de femmes qui sont arrivées en F1. Mais c'est un exemple outre-Atlantique, mais qui concerne quand même une grosse catégorie de sport automobile, même deux, l'IndyCar et la NASCAR. Vous l'avez peut-être compris en écoutant. Il s'agit de Danica Patrick qui, outre-Atlantique, a fait plusieurs saisons en IndyCar, puis plusieurs saisons en NASCAR, ce qui n'est pas donné à beaucoup de pilotes de par le monde d'avoir fait ça. inscrivant plusieurs victoires, des podiums. Une Après, seule victoire, une seule une seule victoire victoire en NASCAR, il pour me semble. non, c'était un En IndyCar à IndyCar. Motegi. D'accord. Elle a malheureusement, elle a pas de, je crois qu'elle a même pas fait de top 5 en NASCAR pendant sa carrière, qui s'est d'ailleurs terminée la semaine dernière avec les avec Daytona 500. Et oui, Mais Danica, tristement, la semaine dernière, assez, par un c'est assez crash. dommage, Ouais. ouais. Mais elle reste quand même la seule pour l'instant femme à avoir remporté une course d'IndyCar sur ovale en plus, donc c'est quand même pas donné à tout le monde. À Motegi, par contre, j'aurais pas donné l'année, malheureusement. Moi non plus, Mais c'est vrai. c'était il y a quand même quelques temps. Et donc voilà, avec Danica Patrick, c'est aussi un exemple extraordinaire, même si, bon voilà, elle a essayé, été très critiquée pour avoir mis en avant ses sponsors, mais c'est comme tout le monde en fait. Je pense que si elle n'avait pas été une femme, on ne l'aurait pas autant critiquée. Oui, je pense aussi, oui. Et aujourd'hui, elle est, enfin, tous les pilotes ont besoin de sponsors pour vivre. Aujourd'hui, elle termine sa carrière uniquement grâce à son sponsor pour faire deux courses dans l'année, à savoir Daytona 500 en NASCAR et Indy 500 en IndyCar. Et pour moi, Danica Patrick est quand même un très bon exemple un modèle à suivre. Pour les jeunes femmes dans le sport automobile, un modèle qui a notamment été suivi par Pippa Mann, par Christina Nielsen, qui est une Danoise qui est quand même double championne d'IMSA en titre. C'est quand même pas l'IMSA qui est la catégorie américaine du WEC. C'est D'accord. quand même assez impressionnant. Oui, en effet, c'est assez parlant. Oui, Danica Patrick, tu disais en effet, surtout critiquée parce que c'est une femme, parce que sinon on n'en parlerait pas plus que ça en termes de critique, hein. Il faut bien se rendre compte qu'elle a réussi, même si ses résultats sont loin d'avoir été réguliers, comme tu l'as dit, pas de top 5 a priori. En NASCAR, mais elle s'est quand même très bien intégrée au peloton. Elle n'a jamais été complètement larguée. Elle est toujours dans le peloton, quoi. Donc c'est un pilote, une pilote parmi d'autres, et qui a réussi quand même de très belles choses. Là, tu le dis, cette année, elle va faire deux des plus belles courses au monde, hein, Daytona 500 et l'Indy 500. C'est vraiment pas donné à tout le monde. Donc on suivra également son aventure à Indy 500 avec attention, évidemment. Et oui, c'est un exemple à suivre, ça c'est sûr. En attendant, comme je disais tout à l'heure, 1992, Giovanna Amati, dernière femme à avoir tenté de se qualifier pour un Grand Prix de F1. Et ça fait donc 26 ans qu'on n'a eu aucune femme qui a eu un baquet de titulaire en F1. C'est la période la plus longue, hein, de l'histoire de la F1, donc depuis 1950, c'est la période la plus longue sans aucune femme dans un baquet titulaire. Alors on pourrait se dire, les années passent, donc normalement il aurait dû y avoir une évolution des mentalités, et au contraire, il aurait dû y avoir de plus en plus de femmes en F1, et si ce n'est en F1, du moins dans le sport automobile. Et pourtant, la réalité nous montre que non. Alors est-ce que c'est la F1 et le sport automobile qui est en retard sur son temps? Ou bien est-ce que c'est tout simplement, ou c'est plus largement, non pas tout simplement justement, c'est loin d'être simple, ou est-ce que c'est plus largement un problème de société? Est-ce que la société est en retard sur les évolutions qu'on peut en attendre du point de vue, comment dire, d'une certaine égalité homme-femme? Pour la Formule 1, je pense que c'est encore plus compliqué que ça, puisque atteindre la Formule 1, il faut quand même avoir certains résultats, surtout depuis, il me semble que c'est 2016, oui, 2016 et la réforme de la super licence, Oui. qui demande le permis à points et qui demande d'avoir de très bons résultats en catégories inférieures. Et le problème, c'est que la monoplace est, je dirais presque par nature, plus compliquée pour les femmes que d'autres catégories comme le GT. Il suffit de prendre l'exemple de Bates Kevisser qui, malgré ses victoires en F4 allemande et ses bons résultats en 3.5, n'a jamais réussi à briguer un baquet à même tenter d'avoir un baquet en Formule 1. Et par contre, en GT, bah, elle a plusieurs victoires, des choses comme ça. Christina Nielsen également. Donc je pense vraiment qu'il y a aussi donc du coup un problème de fond au niveau de l'accessibilité des sponsors pour ces femmes-là dès leur plus jeune âge entre guillemets dans les catégories inférieures, donc que ce soit la F4, la F3, le GP3, la Formule 2, parce qu'il faut savoir qu'en F2 ex-GP2 il n'y a eu aucune femme C'est de vrai. l'histoire. Donc c'est aussi ça à rappeler. En Formule 3.5, on a eu Beskeviser et on a eu lors du dernier week-end Tatiana Calderon. Mais sinon, ce manque d'accessibilité-là, il fonctionne par les résultats, etc. Et c'est pour ça, il me semble que c'était Simona De Silvestro qui avait dit que c'était beaucoup plus simple pour elle d'avoir couru en IndyCar. Elle a d'ailleurs fait deux podiums, il me semble, en IndyCar. C'était beaucoup plus simple pour elle de courir aux États-Unis qu'en France, parce que c'était plus qu'en France, qu'en Europe, pardon, parce que c'était beaucoup plus simple pour elle d'avoir des sponsors aux États-Unis. Et en Europe, elle a beau avoir été pilote de développement Sauber, elle n'a pas pu concrétiser vraiment ce qu'elle voulait faire, alors qu'aux États-Unis, elle a quand même vécu le rêve en IndyCar. Ah oui, c'est un vrai problème. Alors, le fait de pouvoir décrocher des sponsors en monoplace en Europe, ça pousse du coup pas mal de pilotes, si je comprends bien, soit à s'exporter dans d'autres continents, donc le cas de Simona De Silvestro, voire même à changer on va dire de rêve entre guillemets, c'est-à-dire de passer de la monoplace à l'endurance, où là, l'acceptation semble plus facile, c'est bien cela? Oui, c'est ça, mais de ce qu'on peut voir en général, c'est que les pilotes qui sont très bons en monoplace sont excellents en GT et en endurance. Enfin, en endurance, c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas en course de grand tourisme. Et c'est également le cas pour les femmes. Donc, que soit, donc, je ressors toujours les mêmes exemples, mais que ce soit Beiskevisser ou Christina Nielsen, elles sont pas arrivées là par hasard, quoi. Oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. D'accord. Et aussi, est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons qui font que on va dire qu'il n'y ait pas tellement, qu'il n'y ait pas beaucoup également de pilotes féminines que ce soit en GP2F1, mais ju sans aller jusque-là, dans les catégories inférieures telles que peuvent l'être la F4, la F3, la 3.5, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas un certain machisme, hein, disons-le franchement, dans le sport auto, ou est-ce que c'est un cliché et finalement les femmes sont plutôt bien acceptées en tant que pilotes? Non, c'est sûr qu'il y a encore du machisme, ça c'est clair. Après, c'est surtout c'est un problème que je réduirais pas au machisme, mais que je réduirais plutôt au manque de visibilité des pilotes féminines qui justement peut-être ne parviennent pas à générer des vocations. On voit énormément de jeunes pilotes de kart, des jeunes filles pilotes de kart, mais qui ne parviennent jamais à se dire bah, je vais monter en monoplace ensuite. D'accord. Par manque de sponsors, par manque de visibilité, par manque d'aide. Et c'est comme ça que. Voilà, c'est à partir du moment où on n'a pas de modèle, c'est un peu compliqué de se dire bah, voilà, peut-être. Une petite fille aujourd'hui, je comprends très bien qu'elle puisse pas se dire bah, je serai pilote de Formule 1 parce qu'il y a que des hommes. Donc, à Oui. partir, si on n'est pas dans ce milieu-là, si on ne sait pas qu'il y a des femmes qui courent dès son plus jeune âge, c'est très compliqué de générer une vocation pour quelqu'un qui ne vient pas du tout de ce milieu-là, qui n'a pas des parents qui travaillent dans le sport automobile ou même qui regardent toutes les strates du sport automobile. En effet. Et là, est-ce que ce serait pas justement le rôle de la FIA de mener des campagnes pour, on va dire, encourager les petites filles à rêver de sport automobile, de monoplace, ou d'autres catégories, par exemple? C'est sûr que ce serait son rôle, mais malheureusement, aujourd'hui, pour moi, l'association qui le fait beaucoup mieux que la FIA, c'est Dare to be Different. Donc, c'est une association qui a été créée par Suzy Wolf, justement, D'accord. qui est un collectif de femmes qui travaillent dans le sport automobile. Donc, on y retrouve notamment Tatiana Calderon, on y retrouve Ruth Bescombe, qui est la stratège de chez Sauber. On y retrouve beaucoup de femmes qui travaillent dans quasiment toutes les couches du sport automobile et qui, en Angleterre, surtout très basée en Angleterre, va vers des écoles pour permettre de montrer aux filles que on peut travailler dans le sport automobile quand on est une fille. Et elle permet également de mettre en relation des filles, des jeunes femmes cherchant du travail dans le sport automobile, donc au-delà des pilotes, que ce soit en tant que journaliste, en tant qu'attaché de presse, en tant que mécanicien, en tant qu'ingénieur. Ça nous permet de nous mettre en relation les unes les autres pour justement essayer de s'aider à trouver du travail et à rester dans ce milieu qui nous fait rêver. Ah, c'est une excellente initiative en effet. Est-ce que tu peux répéter pour les auditeurs et pour moi aussi d'ailleurs le nom Alors, de cet ça va être organisme? Dare to be different, donc c'est un, D'accord. un c'est en anglais, ça veut dire oser être différente. Et du coup, ça montre bien que c'est oser montrer qu'on est des filles et que on est des filles qui aiment le sport automobile et on veut le montrer, on veut faire ça et on veut montrer qu'on est différente et qu'on travaille dans le sport automobile. Très bien. Bah, j'espère vraiment que leur initiative va. Enfin, je pense que ça déjà, ça doit nourrir des vocations chez On est à beaucoup plus, de. on est à plusieurs centaines de membres hein, et D'accord. ensuite, puisque j'en fais partie. Et ensuite, quand je vois tout ce qui est fait, bon après c'est très anglo-centré malheureusement, mais c'est normal, j'ai envie de dire, puisque c'est quand même en Angleterre qu'il y a le plus de culture du sport automobile. Quand je vois tout ce qui est fait, tous les événements qui sont faits dans les écoles primaires et dans les collèges, toutes les portes ouvertes qui sont faites pour justement pouvoir sensibiliser les jeunes filles au sport automobile, moi je trouve ça vraiment très intéressant. D'accord, bah, j'espère vraiment que de telles initiatives se multiplieront dans le monde, même si ça peut paraître compliqué, car comme tu l'as dit, c'est vrai qu'en Angleterre, il y a vraiment une culture sport auto bien ancrée, et bah, ça se symbolise par pas mal de catégories qui sont là-bas, pas mal d'écuries qui sont implantées en Angleterre notamment. Mais oui, c'est vraiment une très très bonne initiative. Ouais. Du coup, ça me fait penser à autre chose. C'est que cette difficulté qui est rencontrée de se projeter dans le métier de pilote pour les jeunes filles, est-ce qu'on pourrait le mettre en parallèle avec d'autres professions qui ne sont pas dans le cadre du sport, par exemple les professions du BTP, bâtiment et travaux publics, où là aussi on a affaire à un milieu très, très masculin, hélas. Et un milieu très difficile, on va dire, pour les jeunes filles de vouloir entrer là-dedans et quand elles y sont également d'un peu s'intégrer. Est-ce qu'on ne peut pas dresser un parallèle entre les deux également? C'est un exemple, il y aurait peut-être Oui, d'autres. c'est sûr que c'est un parallèle à tirer. C'est clair qu'on est encore dans une société où on genre des métiers, où même si dans l'éducation, par exemple, quand on voit les pourcentages des personnes qui passent à un bac scientifique, il me semble qu'il y a un tout petit peu plus de femmes. Mais par contre, dès qu'on va en prépa scientifique, là, il y a beaucoup plus de garçons. Oui. Et du coup, voilà, c'est une ambition. Je vais pas dire un manque d'ambition, mais c'est une ambition qui est frustrée, oserais-je dire. Parce que beaucoup de jeunes filles rêvent de choses quand elles sont petites, jusqu'à l'âge de 10-11 ans, et après, à la puberté, par beaucoup de choses, donc que ce soit d'un point de vue social ou. Bah, surtout d'un point de vue social, surtout, elle s'auto-censure et ne s'autorise pas à continuer de rêver. Et c'est un problème qui est de fond, qui malheureusement, je pense, ne sera pas prêt de changer, puisqu'il faudrait changer beaucoup les niveaux de l'éducation, au niveau des professeurs, au niveau des familles. C'est un travail vraiment de fond à faire qui durera des années et des années. Mais oui, c'est sûr que si, il faut le dresser, ce parallèle, parce que c'est exactement le problème qu'on a aujourd'hui. D'accord. D'accord, oui. En effet, ça va pas se régler, c'est sûr. En un jour, c'est un gros problème de fond. Oui. J'espère quand même qu'il y aura des choses faites dans le bon sens pour qu'on arrive enfin à ce que les jeunes filles et les jeunes femmes puissent s'épanouir dans ce qu'elles veulent vraiment faire au fond d'elles. Hein, ça serait beau. Après, oui, mais ce qui est intéressant également, c'est qu'on en parle là aujourd'hui. Ça permet aussi à vous, chers auditeurs, peut-être que vous n'avez pas conscience de vraiment, vous n'avez peut-être pas réfléchi plus que ça de ce problème hein, que peuvent rencontrer les jeunes filles et qui concerne donc plusieurs professions. Du coup, je voulais te demander pour un peu clôturer ce podcast, enfin clôturer ce thème, qu'est-ce que tu verrais comme solution que nous n'aurions pas abordée aujourd'hui et qui pourrait, on va dire, favoriser l'accession des jeunes femmes en F2 et a fortiori en F1? Est-ce que Liberty Media, est-ce que la FIA peuvent agir quels sont les axes auxquels tu penserais? Alors, je pense déjà que c'est absolument pas le domaine de compétence de Liberty. Ça, c'est sûr. Je pense que c'est vraiment à la FIA de faire un travail de fond en ce qui concerne, et dès le karting, d'essayer de garder ces talents qu'on a en karting, de ne pas directement les envoyer en GT, de leur permettre de continuer de s'épanouir en monoplace. Parce qu'aujourd'hui, un monoplace en formule de promotion, on n'en a que très peu, hein. Je pense que je peux quasiment toutes les citer. En Europe, en tout cas, il n'y a que très peu de femmes. Là, l'histoire a été écrite le week-end dernier, puisque on a eu la première jeune femme qui a remporté des courses dans un championnat de F4 labellisé FIA. D'accord. Il me semble que c'était dans le championnat sud-asiatique, mais je peux me tromper. Non, sud-américain, voilà, c'est ça. Championnat sud-américain. Et oui, c'est vraiment un travail d'accompagnement qu'il faut faire, et histoire je ne vais pas dire un traitement de faveur par rapport aux hommes, parce que ça, c'est clair que ça ne ferait que jeter de l'huile sur le feu. Mais au moins, essayer de les aider à faire en sorte que leurs aspirations puissent être les mêmes que celles des hommes. Oui, que l'égalité des chances soit quelque part respectée dans la carrière. C'est vrai que ce serait pas mal. Ah si, il y a une dernière chose, j'avais oublié un dernier point. Concernant les professions un peu annexes au métier de pilote, comme peuvent l'être les métiers de mécanicien, d'ingénieur, de team principal, toi qui fais partie donc d'une écurie. Quel est ton regard sur ces autres professions? Est-ce qu'on rencontre les mêmes difficultés qu'on peut rencontrer quand on veut devenir pilote, ou est-ce que l'accession à ces professions sont plus faciles et plus acceptées également? Comment tu vois les choses à l'intérieur du paddock? Alors, faut savoir que dans la catégorie dans laquelle je suis, on est très très peu de femmes, mais vraiment très très peu. D'accord. De mémoire, dans la catégorie dans laquelle j'étais, donc en Formule 3, il n'y avait pas d'ingénieur femme, ni de mécanicien. Des mécaniciennes, techniquement, je n'en connais qu'une seule, qui aujourd'hui a grimpé les échelons et est aujourd'hui travaille maintenant chez Force India, Ah oui, quand même. alors qu'elle était en GP3 il y a 2 ans. Donc elle a réussi à grimper les échelons. On voit de plus en plus de femmes ingénieures, hein, que ce soit sur le banc, le banc de le pit wall Red Bull, pardon. Je parlais de Ruud Beskom, qui est la stratège de Sauber, qui a déjà prouvé son talent par des stratégies assez audacieuses, que ce soit chez Sauber ou chez Haas, chez qui elle travaillait avant. On a eu une époque où il y avait pas mal de team principales femmes. On a Claire Williams encore aujourd'hui. On avait eu jusqu'à l'an dernier Monisha Kaltenborn. Donc voilà, il y a chez un petit cocorico pour les Français, puisqu'il y a Sarah Abadi qui gère l'écurie Tech One également. On a chez Préma Angelina Ersu qui s'occupe de la Formule 2. D'accord. Et on avait en Formule 3.5 l'an dernier Esther Vallée qui s'occupait de Théo Martin. Donc on en a de plus en plus, mais c'est pas encore assez, oserais-je dire. Je dirais pas que c'est aussi difficile d'accéder à la F1 que quand on est pilote, ça c'est clair. C'est comme j'ai dit l'exemple donc de cette mécanicienne qui travaille maintenant chez Force India. Mais c'est clair que il faut pouvoir tenir dans un milieu qui peut être très machiste, même si allez, 90% du temps, les personnes avec qui vous allez travailler vont vous accueillir à bras ouverts, vont être très bienveillants avec vous. Il y aura toujours 10% qui seront d'une violence inouïe. Et il faut accepter de travailler dans ces conditions, D'accord. même si normalement c'est pas des conditions acceptables. C'est un peu triste de dire ça, mais quand on travaille dans son automobile, c'est un peu les petites lignes en bas du contrat, quoi. Oui. Donc il faut pouvoir passer, je dirais pas passer outre, mais au moins se battre contre ces choses-là. D'accord. Et du coup, si jamais il y a des jeunes filles ou des jeunes femmes qui souhaitent, par exemple, travailler dans le sport automobile, bon, quand c'est pour être pilote, on sait qu'il faut faire du karting, acquérir sa licence, etc. Mais pour être, par exemple, tous les métiers qui peuvent entourer, comment dire, le sport automobile, enfin qui font partie du sport automobile plutôt, ingénieur, comme tu fais community manager par exemple, mécanicien, attaché de presse, etc. Est-ce qu'il y a des cursus spécifiques ou est-ce que dans les universités générales, est-ce qu'après ça peut mener directement sur un métier dans le sport auto? Non, mais en France, on n'est pas très spécialisé dans ces choses-là. La seule formation très spécialisante, les deux seules formations spécialisantes que je vois, c'est l'Autosport Academy qui est située au Mans, qui forme des mécaniciens et des ingénieurs directement sur le circuit, puisque ce sont des lycéens qui gèrent les monoplaces en Formule 4. Et ça, c'est quelque chose en Formule 4 française, ça, c'est quelque chose que je trouve très très enrichissant. Et il y a une école d'ingénieurs, donc qui est l'ESTACA, et qui est une école d'ingénieurs par laquelle est notamment passé Éric Boullier, Frédéric Vasseur, Rémi Taffin aussi, il me semble. Je dis peut-être des bêtises au niveau des alumni, C'est quand même des mais c'est sacrées une. références, oui, en effet. Voilà, c'est l'école d'ingénierie référence concernant le sport automobile. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est de continuer, c'est d'essayer de trouver ces formations-là. Si vous êtes mécanicien, donc si vous voulez faire mécanicienne, allez essayer de toquer à la porte de l'Autosport Academy au Mans. Si vous voulez faire ingénieur, bah, faire une prépa et ensuite rentrer à l'ESTACA. Si vous voulez faire community manager ou la gestion de communication ou même gestion d'équipe, là il y a 650 formations que vous pouvez faire qui vous mèneront au même endroit. À partir du moment où vous êtes ambitieux, vous savez ce que vous voulez et que vous battez pour le vouloir, il y a pas de raison que vous échouiez. Très bien, ben, je te remercie beaucoup Nina. Je pense qu'on peut conclure là-dessus, sur ce discours ben, plutôt positif, sauf si tu avais quelque chose à rajouter en particulier peut-être. Non, pas spécialement. D'accord. Eh bien, ben, je te remercie encore beaucoup d'être venu dans ce podcast. Bah, merci de m'avoir invité. En tout cas, ça fait très plaisir. Ben, je t'en prie, je t'en prie. Et du coup, ben, peut-être qu'on se retrouvera, ben, si ça te dit, peut-être pour un autre sujet, une autre fois, je ne sais pas encore. Il n'y a pas de problème. Ça marche. Et quant à nous, chers auditeurs, on va se retrouver après une petite pause musicale pour un nouveau High Speed Dating. À tout à l'heure. Et voilà, on se retrouve dans ce podcast pour ben pour le terminer. Et pour le terminer, eh bien rien de mieux. Enfin si, on pourrait faire mieux, mais en tout cas, je vais faire aujourd'hui du high speed dating. Eh oui, un petit high speed dating où vous allez partir à la rencontre de Lance Troll. Si vous ne connaissez pas assez, eh bien je vais vous le faire découvrir en long, en large et en travers, le jeune pilote canadien. Jeune pilote canadien, donc né à Montréal le 29 octobre 1998. Il a donc 19 ans. Actuellement, un pilote francophone, hein, donc il s'exprime en français au micro de Canal notamment et au micro des médias français. Il est le fils du milliardaire Lawrence Troll, pour ça qu'il est souvent décrié, on va dire, comme un pilote payant et très payant. Mais qu'en est-il vraiment? A-t-il vraiment gagné ses galons à la force du portefeuille ou plutôt à la force de son poignet? Est-ce que c'est plus nuancé que cela? Eh bien, je vais essayer aussi également de répondre à cette question, à ces questions durant cette chronique. Donc, concernant sa carrière dans le sport auto, il commence sa carrière en karting à 10 ans, mais il avait commencé à piloter depuis quelques années déjà sur un kart. Donc, il gagne tout dès ses débuts. Alors ça, c'est assez particulier. Dès ses débuts, il gagne tout. En 2008, il remporte la coupe du, il est en catégorie Micromax et il remporte la coupe du Québec, la coupe de Montréal, le championnat du Canada. Il est désigné en conséquence rookie de l'année pour la Fédération de sport automobile du Québec, rien que ça, pour sa première saison, voilà. En 2009, il monte de catégorie, hein, parce que son âge évolue, forcément, comme en foot quand vous êtes débutant, puis ah ça c'était avant, hein, quand on était débutant, puis poussin, etc. Puis Benjamin, maintenant c'est comme maintenant que vous êtes U11, U13, U15, je sais pas, U18, enfin c'est le même principe. Donc il fait quand même une dernière compétition en Micromax en 2009, le Florida Winter Tour, où il termine deuxième. Hein, c'est une compétition avec un peu plus de nationalité du coup. Ça l'exporte un peu en Amérique du Nord. Donc c'est plutôt pas mal pour lui, il fait deuxième. Ensuite en catégorie Minimax, il remporte de nouveau la Coupe de Montréal, la Coupe du Québec. En revanche, il termine deuxième du championnat du Canada. Et en conséquence de tous ces résultats, il est désigné pilote de l'année par sa fédération. Rien que ça, en 2009, hein, quand même. Donc c'est quand même des bonnes performances. Il se montre hein, sur le devant de la scène canadienne. En 2010, toujours du karting, il remporte le Florida Winter Tour en catégorie Minimax. En catégorie junior, il est deuxième de la Coupe du Québec et il remporte le championnat du Canada. Suite à ses très bons résultats, ben là direct c'est Ferrari qui l'a repéré et du coup il va à la Ferrari Driver Academy. Donc les raisons de tout cela, de tous ces succès, vous allez dire ah ouais mais Lance Stroll en fait il est trop fort, ou bien vous allez dire ah ouais c'est bon c'est son père qui a tout payé, voilà Ferrari il a dû les contacter et tout. Alors oui, alors il faut nuancer tout ça. Oui. L'argent de son père a pu lui permettre d'avoir du matériel performant, très performant, parce que c'est très important en karting d'avoir un matériel performant. Et évidemment, parmi ses concurrents, il y en avait qui étaient moins dotés que lui en termes comment dire, de matériel, qui pouvaient sûrement moins rénover le matériel et le rendre moins performant. Mais ça ne suffit jamais, parce qu'il y a quand même un règlement, hein, il y a quand même, voilà, les kartings, faut qu'ils soit de telle dimension, telle performance également, c'est pas Jackie Tuning, hein. Donc voilà, et c'est pas aussi permissif qu'en Formule 1 en termes de développement, hein, loin de là. C'est plus cadré, c'est souvent théoriquement le même matériel et puis voilà, et puis ça se bat à la force du poignet. Mais bon, dans les faits, c'est pas complètement ça, c'est vrai. Donc certes, il a un avantage à ce niveau-là, mais ça suffit jamais, ça. Ça suffit jamais d'avoir ce petit avantage, parce qu'il faut du talent. Souvenez-vous, c'était Lewis Hamilton, il me semble, au début de sa carrière en karting. Il n'y avait pas des moyens exorbitants, hein, loin de là. Hein. Il est issu de famille modeste, et du coup, il n'avait pas le meilleur kart du plateau. Il arrivait quand même à remporter des courses. Donc voilà, il s'avère que Lance Stroll a les deux. Il a le talent et l'argent, donc forcément, il gagne. C'est plutôt mérité. Plutôt mérité ce qui lui arrive, parce qu'en plus c'est une domination totale. Hein. Localement, il gagne tout ou il finit deuxième. Il n'y a pas de concurrence. Donc maintenant, c'est logique qu'il aille se frotter au niveau européen, qui est plus relevé. Donc en 2011, c'est ce qu'il fait. Donc il participe à beaucoup de compétitions. Donc là, hein, évidemment, le fait d'avoir l'argent de son père, qui lui permet de déménager comme ça et d'aller où il veut, de faire n'importe quelle compétition, ça aide à prendre de l'expérience, en plus de son talent. Et ben du coup, ces deux combinaisons, c'est parfait hein, pour le pilote Lance Stroll. Donc par exemple, il termine 9e des WSK Euro Series en catégorie KF3. Il y croise Max Verstappen, Esteban Ocon et Charles Leclerc notamment. Il termine 11e du championnat allemand en catégorie junior. Il participe au ERDF Masters Kart en catégorie junior où il y croise Leclerc et Ocon. Malheureusement, il termine dernier, je crois, de cette compétition. Apparemment, il participe à bien d'autres compétitions sans vraiment de succès. Bon, des compétitions un peu partout en Europe. Hein. J'ai essayé le championnat allemand, mais il participe également à une compétition en Italie. Donc voilà, il visite, hein, il voit un peu le niveau de pilotage un peu partout, il croise bon nombre de concurrents, il prend de l'expérience. C'est sa première saison en Europe également, il faut bien le signaler, donc il va loin de son cocon québécois. Donc faut s'habituer à ça, on l'avait vu avec je ne sais plus quel autre pilote d'Amérique du Sud, je me demande si c'est pas Pérez d'ailleurs, où justement on avait vu la première saison en Europe où il avait du mal. Bon ben, c'est quand même quelques résultats honorables hein, à son actif, à Lance Stroll, durant cette première saison européenne en karting. Et donc bon, il vérifie bien que le niveau est plus élevé et que le niveau est le plus élevé quand même en Europe. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Sinon il aurait eu des meilleurs résultats quand bien même son adaptation soit compliquée. En 2012 donc on s'attend à bon, il a eu une année. En 2012 on attend déjà plus de résultats. Il revient au Québec en catégorie Rotax Junior où il termine 10e de la Coupe du Québec. C'est pas un très bon résultat. Il remporte les MG Tires SCUSA Super Nationals 16 en catégorie Tag Junior. Voilà. Il termine 10e de la Coupe du Monde CIKFIA en catégorie KF3. Ça parle. Il termine 2e du 23e trophée Andrea Margutti en catégorie KF3. Il participe à bon nombre d'autres compétitions également en 2012. Donc, déjà, là, son résultat en Coupe du Monde en particulier parle et également ses autres résultats, dont la victoire dans la compétition que j'ai citée et que je ne renommerai pas parce que l'appellation est bien trop longue. À mon goût. Bref, plutôt une bonne saison 2012. Et du coup, en 2013, il va participer vraiment à des grosses compétitions de karting européennes. Donc, les WSK Super Master Series en catégorie KF, où il termine 5e. Et il termine 6e du championnat du monde CIKFIA en catégorie KF, où il y croise Max Verstappen notamment. Max Verstappen qui, dans cette catégorie, s'était fort bien illustré. Notamment, s'était montré aux yeux de bon nombre d'observateurs, et bien Lance Stroll également. Il participe également à d'autres compétitions durant cette année 2013. Mais en tout cas, je vous ai cité ces deux-là parce que c'est les deux plus marquantes en termes de, comment dire, en termes de visibilité de ces compétitions et en termes de comment dire, de prestige et de résultats tout simplement. Donc après ça, c'est normal qu'il ait le droit d'accéder en monoplace, c'est plutôt logique. Voilà, il s'est habitué à l'Europe, il fait même des résultats dans des grosses catégories de cartes où là vraiment ces catégories que j'ai citées, il a pu croiser Lance Stroll des personnes qui s'en foutent de la monoplace, des pilotes qui s'en foutent de la monoplace, qui font que du karting, hein, je vous le dis. Hein. C'est comme ça. Donc ce ne sont pas des résultats négligeables, loin de là, d'autant plus qu'il a quoi 14 ans, 14-15 ans en 2013. Donc voilà, il accède à la monoplace. En monoplace, en 2014, il participe au Florida Winter Series. Donc c'est une compétition en monoplace qui est organisée par la Ferrari Driver Academy, avec donc des pilotes de la filière, dont Lance Stroll notamment, Antonio Fuoco, etc. Et d'autres pilotes comme Max Verstappen. Des pilotes qui ont plus d'expérience en monoplace que lui. Là, c'est ça vraiment sa toute première expérience en monoplace à Lance Stroll. Donc voilà, il y a des pilotes qui ont déjà fait de la F3, de la Formule Renault 2.0, etc., etc. Donc c'est plutôt une bonne préparation pour sa première saison officielle où il fera de la F4. Pas de victoire durant les Florida Winter Series. Bon, fallait pas trop en entendre du jeune Lance Stroll à ce moment-là, comme je l'ai dit, avec l'adversité qu'il y avait et le fait que ça soit sa première expérience. Mais quand même des résultats honorables. Il y enregistre deux podiums notamment. Et ensuite, il va participer au championnat italien de F4 et il le remporte. Première participation, première victoire, 10 victoires dans la saison, 14 podiums sur 18 courses. Il domine largement la série, pas de souci, il gagne. Voilà. Donc là, il montre que il y a quelque chose dans ce pilote. Il va falloir creuser un peu plus. Donc on creuse un peu plus. En 2015, il remporte les Toyota Racing Series en début 2015 grâce à une régularité bien meilleure que ses adversaires. Seulement 4 victoires du coup, hein, pas beaucoup de victoires, moins que certains de ses concurrents, mais 10 podiums sur 16 courses, et c'est largement mieux que ses poursuivants, et il est largement devant eux d'ailleurs, il n'y avait pas de, comment dire, il n'y avait pas d'adversité, il était seul en piste. Hein. Il participe également au championnat de F3 en 2015, directement la F3 européenne, hein, la grosse catégorie, Donc il termine cinquième pour sa première participation, ce qui est vraiment bien. Il y croise Charles Leclerc, Félix Rosenqvist notamment. Une victoire durant cette saison-là, 6 podiums, c'est plutôt pas mal pour un rookie en F3. Malheureusement, Lance Stroll s'illustre cette année-là par une conduite dangereuse. Il est même banni d'une course une fois. Et bon, ben, on a vu notamment, ça avait été médiatisé, c'était au Grand Prix de Monza de F3. Vous vous souvenez peut-être de cet événement du coup, parce que c'était une course mouvementée où les pilotes de F3 n'ont pas brillé par leur intelligence et se sont fait très mal voir du reste du sport auto et même du grand public hein, qui a pu voir cet événement. Donc voilà, il y a eu des accidents un peu bêtes, tellement bêtes que les officiels sont intervenus pour demander aux pilotes, leur exiger même d'être plus prudents et moins dangereux dans leur pilotage. Ils ne l'ont pas fait. Ça aboutit sur un crash entre Lance Stroll et un autre pilote. Et hop, il y a eu drapeau rouge, course arrêtée, la moitié des points attribués. Et Lance Stroll a été banni d'une course. Donc voilà, Lance Stroll, c'est ça également. C'est certes une bonne pointe de vitesse, des championnats remportés de main de maître, une évolution fulgurante, mais c'est une sale réputation quand il est opposé directement en piste avec d'autres pilotes. Suite à cette saison 2015 et du coup avec cette réputation, eh bien, ben Ferrari, voilà, n'a sûrement pas souhaité le garder. Il quitte la Ferrari Driver Academy et il est récupéré par Williams. Et oui, et Williams en fait directement un pilote d'essai, hein, alors qu'il n'avait que 15-16 ans à ce moment-là. Donc c'est assez fort. En 2016, donc du coup, on attend beaucoup parce que là, il devient pilote d'essai Formule 1 quand même à 16 ans, Lance Stroll. Donc la deuxième saison de F3, on en attend beaucoup et il ne déçoit pas. Voilà, comme d'autres pilotes que j'ai pu traiter dans Analyse F1, dans High Speed Dating. La deuxième saison, celle qui doit être la plus importante pour un pilote parce que là, il fait partie d'un giron, d'une écurie de F1, il y a moyen qu'il ait un baquet, un de ses quatre. Donc faut qu'il ait un résultat, et bien Lance Stroll ne cède pas sous la pression. Il remporte le championnat de F3 avec 14 victoires et 20 podiums sur 30 courses, hein, rendez-vous compte, hein, domination totale. Et ce qu'on peut noter, c'est qu'à chaque fois qu'il a été champion dans une catégorie, que ce soit en karting ou en monoplace, ça a été une écrasante domination. Il n'y a jamais eu de lutte, de duel, non. C'est Lance Stroll devant tout le monde, hein, qui éclipse tout le monde. Le bémol, c'est que malgré ce championnat remporté de F3, il conserve une mauvaise réputation de pilote dangereux qu'il faudra un peu nettoyer en F1. Alors, est-ce que cette réputation, c'est de la jalousie ou de la réalité? Bon, ben, ça, c'est une question ouverte à ce moment-là. En 2016 également, ben, pour bien clôturer la saison, il termine, ou l'entamer d'ailleurs, plutôt l'entamer je pense, hein, ça devait être en début de saison, il termine cinquième des 24 heures de Daytona où il l'avait attendu. Attendez du peu, en coéquipier, il avait Alexander Wurz, Andy Priaulx, donc ces deux pilotes qui ont la trentaine, voire la quarantaine passée, des gros pilotes d'expérience, et également en coéquipier, il avait un certain Brendan Hartley, que l'on retrouve en pilote officiel Toro Rosso, cette saison notamment, et depuis quelques courses de la saison dernière. Donc voilà, quand même, Lance Stroll, une bonne capacité d'adaptation, un bon pilote, on peut rien dire. Là, franchement, il accède à la F1 après quelques saisons en monoplace où finalement il a gagné partout où il est passé. En karting, il a gagné en Europe, il a moins gagné, c'est vrai qu'au Canada, mais il a quand même fait de très bons résultats dans des catégories prestigieuses. Bon, ben certes, son père a beaucoup d'argent, c'est vrai, mais il n'accède pas à la F1 que par ça. Et loin de là, vous le voyez, il a tout gagné. Il a tout gagné dans des monoplaces où les monoplaces sont égales, hein, quasiment entre elles. Hein. Il y a très peu de développement possible ou de changement possible sur les monoplaces en F3. Hein. Alors certes, il a fait partie de Prema, qui est une très très bonne écurie, mais il n'était pas seul dans l'écurie. Et voilà, et il avait de l'adversité. Hein. On a connu des pilotes hein, en GP2, enfin en F2. Maintenant c'est F2. Hein. J'ai dit GP2, GP3 en début de podcast, mais c'est F2, F3. Enfin F2, GP3 maintenant. On a connu des pilotes qui faisaient partie de Dams, de Hard Grand Prix, qui n'ont pas fait grand-chose. Là, Lance Stroll, il saisit les occasions comme il le faut avec talent. Donc il arrive en Formule 1 à 18 ans, ce qui peut sembler assez jeune. On peut se demander est-ce qu'il aurait pas dû plutôt, voilà, est-ce qu'il aurait pas dû faire une saison de plus, par exemple en F2, enfin en GP2 ou voilà. ou en GP3. Mais bon, ça se discute. En tout cas, ça se discute, mais il a quand même fait quelques saisons, hein, en monoplace, hein. C'est pas sa première saison. En Verstappen, je vous le rappelle, il a fait karting. Ensuite, il a fait une saison en F3, où il a fini deuxième, et hop, Formule 1, direct. Donc voilà, c'est quand même 18 ans. Des débuts compliqués, hein, pour Lance Stroll. Très compliqué en Formule 1 chez Williams, en compagnie de Felipe Massa. Pourquoi? Parce que au niveau performance, il était très très très très loin de Felipe Massa. Donc on pouvait s'attendre qu'il soit derrière. C'est logique, hein, Felipe Massa, pilote de grande expérience, qui reste malgré tout un bon pilote de F1, même si c'est pas un crack ces derniers temps, mais un bon pilote. Donc c'est logique qu'il soit derrière. Mais là, Lance Stroll était trop derrière et il avait du mal à aller au-delà de la Q1 pendant beaucoup de Grands Prix quand même, une petite dizaine de Grands Prix où il a eu du mal à dépasser la Q1. Et puis ensuite, il y a eu ce Grand Prix d'Azerbaïdjan qui fut une sorte de déclencheur pour Lance Stroll, où il se qualifie, je crois, il se qualifie en première ligne, un truc comme ça. Et surtout, non, il se qualifie pas en première ligne, c'est pas ce Grand Prix-là. C'est un autre Grand Prix. Bref, mais il termine surtout troisième. Il termine troisième du Grand Prix, donc sur le podium, premier podium. Pour un rookie de son âge, c'est une très bonne performance. Où il a vraiment fait une bonne course, hein. Il a profité des incidents. Il est resté plutôt loin d'ailleurs des incidents. On le montre comme un pilote dangereux, Lance Stroll. Et bien dans une course où justement les pilotes étaient très nombreux à être un peu plus fous qu'à l'accoutumée, Lance Stroll est resté loin des problèmes et a su en profiter, hein. A su bien en profiter. C'est vrai, on n'en a pas parlé de Lance Stroll en tant que pilote dangereux dans ce Grand Prix, alors qu'il y a eu pas mal de pilotes, d'autres pilotes, ou qui ont été pris dans des incidents, hein, durant tout le Grand Prix. Donc voilà, c'est très très bien pour le jeune pilote canadien. Ça lui a permis en effet de se relancer. Les Grands Prix suivants, ça a été mieux. Durant aussi toute l'année, enfin l'avant-saison et durant même toute la saison, il a effectué des essais privés sur une monoplace Williams de 2014. Alors certes, c'est pas les monoplaces de 2017 du tout. Mais c'est toujours motorisation hybride, donc ça lui permet également de piloter une F1 sur des essais autorisés, on va dire, vu que c'est sur une vieille F1. Donc ça a été critiqué, mais après tout, je préfère un pilote qui est impliqué dans son travail, dans sa passion, et qui souhaite vraiment faire des résultats, et du coup qui a les moyens et qui les met à sa disposition pour le faire, plutôt qu'un pilote qui se complaît dans son baquet, qui se dit bon bah c'est bon, j'ai l'argent, de toute façon je resterai dans le baquet quelles que soient mes performances. Non, non, non, non, c'est un compétiteur, il souhaite aller un peu plus loin que ça, et tant mieux, tant mieux, tant mieux. Alors certes, au micro il le montre pas trop, ça c'est vrai qu'il pourrait soigner un petit peu peut-être sa communication et le fait qu'il soit un peu plus passionné, on va dire. Mais bon, force est de constater que dans son parcours et le travail qu'il mène durant sa carrière en F1, eh bien, il démontre qu'il fait le boulot. Bref. Donc, ça a été un peu un déclencheur, ces essais-là, notamment quand il avait fait des essais en marge du Grand Prix du Canada. Ça a été un premier déclencheur, c'était le Grand Prix du Canada, où il a inscrit des points importants. Ensuite, devant son public, hein, chez lui, donc ça lui tenait sûrement à cœur. Ensuite, le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Et voilà, on a eu quelques Grands Prix comme ça où il y a eu du mieux. Mais ça a été quand même irrégulier. Ça n'a pas été aussi régulier que Felipe Massa, hein, durant toute la saison. Pour preuve, hein, Lance Stroll termine 12e du championnat du monde avec 40 points, juste derrière Massa qui a 43 points. Donc on pourrait dire, ah ouais, c'est très bien. Il termine derrière un pilote qui est en fin de carrière, mais qui a justement une quinzaine d'années d'expérience derrière lui. C'est vraiment très bien. Sauf qu'il faut bien signaler que parmi ces 40 points, il y a 15 points de podium, hein, et ensuite 25 points sur le reste de l'année. Alors que Massa, il n'y a eu aucun podium. Donc il y a eu une régularité de Massa plus importante dans l'entrée dans les points plutôt que Stroll. Même vers la fin de saison, parfois, il n'arrivait pas à dépasser la Q1. Donc voilà, faut qu'il règle ce problème, Lance Stroll. Absolument, pour 2018. Parce que voilà, il y a un jeune pilote Sirotkin qui arrive, il y a aussi un pilote d'essai, Robert Kubica, qui même s'il ne participera pas vraisemblablement aux courses, est là au cas où, et donc il faut être là. Donc je pense que Lance Stroll peut y arriver. Mais attention, hein, comme je le dis, Lance Stroll, il arrive dans une catégorie qui est le pinacle du sport automobile. Et pourquoi c'est le pinacle? Parce que tous ceux qui ont réussi précédemment, en F3, en F2, en GP2, Formule Renault 3.5, tous ceux qui ont remporté ces catégories se retrouvent en F1. Donc là, C'est une catégorie bien plus importante, une marche bien plus importante à gravir, et il faut qu'il se mette à ce niveau-là, sinon il va se faire bouffer, hein, le pauvre Lance Roll, alors qu'il a vraisemblablement le talent en plus, hein. Donc au final, il a fait une saison honorable, hein, pour un rookie, même encourageante sur certains points, hein, le podium, certaines entrées dans les points, certaines performances, mais ça a été inquiétant sur d'autres points. Donc je parlais de son irrégularité. Et quand je parle de son irrégularité, il faut pointer que quand il n'a pas été bon, il n'a vraiment pas été bon, hein. Il faut souligner sa pointe de vitesse qui était indigne d'un pilote de F1, vraiment, hein, qui est selon moi indigne d'un pilote de F1. Alors certes, il a été rookie, donc ça lui laisse un peu plus de marge, on va dire, et ça lui laisse une petite excuse. Mais attention, attention, parce que va pas falloir reproduire ça du tout en 2018, hein, vraiment pas, hein, parce que Williams, ils vont pas être très contents d'avoir développé toute une monoplace et de l'avoir sous-exploité. Ça va pas trop faire plaisir à l'usine et aux ingénieurs, aux patrons. Donc voilà, et même à lui-même, hein, Alain Stroll, je pense. Donc va falloir qu'il corrige ça. Et également attention à sa communication. Notamment, oui, il y avait eu on va dire, des articles, etc., des déclarations de Massa, comme quoi Massa aurait aidé Lance Stroll durant toute la saison et que ça lui rappelait à Massa la manière dont Schumacher l'avait aidé en 2006 lors de la première saison de Massa chez Ferrari. Mais Lance Stroll, dans l'intersaison, a démenti ça en disant que ça n'a pas du tout été le cas, qu'il ne sait pas où Massa est allé chercher ça, où les journalistes étaient allés chercher ça, qu'il a travaillé tout seul et que voilà, et que c'est pareil avec n'importe quel coéquipier, il n'y a pas eu de choses particulières, de conseils particuliers donnés par Massa. Alors attention, alors est-ce que c'est de l'arrogance et de l'ego mal placé de Stroll, ou est-ce que c'est Massa qui voulait également soigner son image et du coup a dit des choses comme ça pour un objectif de communication? Bon, moi j'aurais plutôt tendance à croire Massa vu qu'on l'a plus vu en F1, mais après c'est parole contre parole, j'ai pas de preuve, on n'a aucune preuve de ça. Tout ce que je sais, c'est qu'on n'a pas vu non plus, comment dire, on n'a pas vu à la télé, sur nos écrans et durant les fois où ils sont apparus ensemble, une grande complicité entre Massa et comment dire, Lance Stroll, hein, contrairement à l'époque où il y avait Massa chez Ferrari avec Schumacher. Là non, entre Massa et Stroll, jamais vu une complicité énorme entre les deux, hein. Ça c'est sûr, hein. Donc bon, c'est vrai que on peut remettre en doute ce qui avait été dit à propos du entre guillemets du maternage Massa-Stroll. Voilà, au niveau de ses stats, on va finir par ça. Donc il a effectué une saison, il va entamer sa deuxième bientôt, 20 Grands Prix, un podium, aucun tour mené. Et oui, aucun tour mené, bon ben voilà. Avec la Williams, c'est compliqué en même temps, on peut pas lui en tenir rigueur. Il termine 12e de la saison avec 40 points, ce qui est plutôt pas mal. Il a fait une saison de rookie finalement, plutôt pas mal, mais avec des alertes quand même, avec des sérieuses alertes. Faut espérer comment dire, qu'il soit plus régulier tout simplement, hein, sinon Sirotkin également, hein, c'était son défaut d'ailleurs à Sirotkin, mais dans les catégories inférieures, hein, c'est d'être irrégulier. Donc si Sirotkin en plus emmène ce défaut en Formule 1, faut voir également, hein. Ça va être intéressant de voir comment Williams peut gérer ces deux jeunes. C'est un risque qu'ils prennent au niveau de ça pour développer leur monoplace. On va voir. En tout cas, ils ont aussi l'aide de Kubica très importante au niveau du développement, qui semble vraiment très au fait, hein, de tout ça, et qui sait bien cibler apparemment les différents axes d'amélioration principaux sur la monoplace. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Alors oui, ce High Speed Dating peut être un peu plus court que les autres, hein, parce que tout simplement la carrière de Lance Stroll en Formule 1 est plus courte à raconter que certains autres, hein, que Massa, hein, déjà, hein, que Hamilton ou autre. Mais j'espère que ça vous a plu. Le prochain speed dating, je ne sais pas sur qui il sera. Ah, un mystère, hein, même mystère pour moi. Ce sera sûrement lors du prochain podcast. Je n'ai pas encore d'idée de thème pour le prochain podcast, hein, qui interviendra sûrement, je sais pas, je pense en mai, hein. Je pense qu'il faudra l'attendre en mai. Là, on est mi-mars, soit en mai, je pense, ou fin avril, on verra. Mais si ça arrive en mai, vous inquiétez pas. En tout cas, eh bien, à l'aube de cette nouvelle saison, plus que jamais, avec l'excitation qui nous prend aux tripes et tout ça, vivons notre passion. À bientôt tout le monde.